بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaw biñu sante yalla julit yeer ci bi alayhi salatu wassalam ñi ngi leen di nuyu di leen ziarah di jital ci nuyo bi suñu kilifa suñu tonton tonton ba ak wa keur bi yepp ñom mer amuta et cetera ñu tolla di nuyo tamit ci guddiyu teddi manam wa daayira bi yepp al mutahabbuna fillah te ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo la ñu ci nga xamanteni ñom ñoy al mahbubun am ñu sopp ñu deug deug deug deug deug bo la ñu ci ahlu mahabbati ha bo re doone ñu wa mo ñu ñu ah kon xamna inshallah wa legi xamna kon dañuy bari señ karim inshallah mu yeggale fi wax ci résumé mi nga xamantene mom mo addu ci charte biñ doon def ci hadith bu jekk ci babu izalat an-najasat wa bayanaha ci bulughul maram min adillatil ahkam ah ba imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah wa xamna kon nu bismillah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي فاس يينا ييغالي ريزومي حديث بي ني كومونسي وون ديمانس باسي كي بونتو بي ني تودي وون بابو إزالة النجاسة والبيانها بونتو ديندي صوبي ولا ديكو توخال ak diko leral legi ñu lire hadith bi bismillah an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu khala su'ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anil khamri tuttahazu khalla khala la akhrajahu muslim والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جرينا ني سيدنا انس رضي الله نغرم الله بور يالا عنه سيموم انه قال دا فاخني سئل لاج نانيو رسول الله داوال يالا لي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ci lu aju ci walum sangara tout taxazu bo xamne def nako soppi def ko xallan vinegar khalala munelen dedet bu len ko def akhrajahu solo na hadith bi gene nako ci terem imam muslim moy al imam muslim ibnu al khajjat rahimahullah wa tirmizi abu isa محمد ابن عيسى ابن ثورته الترمذي رحمه الله فخال مو دالدي تي تكني خازا لي دي حديث لا بو خامني حسن بو رافيت لا صحيح بو وير لا لي غناو بني غيسي ديمانس بي باسي ديمانس بي باسي تخريج حديث بي غيسون نانيو اوسي بيوغرافي سيدنا انس رضي الله تعالى عنه yaguñu ci won nak ndax comme jotone nañ ko def ba pare donc ku ko soxla rek boko xolé ci enregistrement yi ñu defone biñ ci tollo dang ko fa fek gisoon nañu aussi manaw hadith bi ñu ngi tollu won ci 3ème partie bi moy masala yi ñu ngi dugoon ci masala bi ñu jëkke won ñetti masala la won premier masala bi ñu jëkke mo doon masala ki jangale ak aji sakku xam aji sakku xam xam bi moy l'élève et son maître légui nak dañuy dal di ñew ci tégginu ki laté ak ki tontu gisoon nañu ci suñu hadith bi biñu ci tollo ne ka pratique yi ñoo gëna gaaw pour que nit yi xam seen diiné comme par exemple suñu hadith bi nga xamné sayidina abou talha bi ka pratique bi posé wo mu yoron sangara bo xamné dañ ko ko denkon té ay njirim ñoko momon mu jëlon ko defon ko investissement pour ñom yalla def sharia yalla def sharia ñu kharamal sangara legui nak comme mom xamul nu muy def te dañ ko denk alalu jamour la yor te nenañu nañ ko tour dafa kharam mu ne xaaral ma dem laaj sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam mom naka lay doxale lolu aussi ñu man ci jangene aussi nit ku nek do xaar par exemple do deme gison nañu ne muy kay melni bu poser wo do deme sa xel nan yaakar na je crois à mon avis yoy gison nañ ko wa donc gisone nañu aussi ci hadith bi ne digeunte buntu digeunte laaj ak tontu buntu bu reuy la pour am xam xam legui nak amone aussi ay attitude yu ñu waxone ne ki nga xamne mom moy laajte aji laajte ji warna ko éviter pa buy laaj serigne bi ci ñeuk newon nañu aussi laajte pour diina laaj serigne bi rek pour diina kenn ci mbolo mi wala pour daru wala kenn ci mboro mi newon nañu koku baxul newon nañu aussi laccé pour distraire mbolo mi lolu aussi newon nañu aussi baaxul ndax ñak wormal jotaay xam xam la ñew ba ci jotaay bo xamne dañ ci waxtane diine di ci waxtane hadith yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam yow nga ñew ba ci jotaay bobu di poser ay questions juste dans le but nga distraire ni newon nañu aussi lolu ñak wormal jotaay bi la té lu mëna waral mérum yalla la té lolu nak ku nekk war na ka mëna moytu gisone nañu né aussi ñeu poser question pour rek passe temps lolu aussi luñu mëna moytu luñu wara moytu la gisone nañu aussi poser aussi sëriñ bi ay question juste ci ay supposition supposons ngay poser sëriñ bi question nan ko supposons bu tel mbir xewon nan lañuy doxale tel mbir bu xewon naka lañuy dox gisone nañu sax biñ ci tolo exemple imam malik mok waji biko bu bay waji nan supposons un moment mu lacc mu ne ko ndax mbir mi dafa xew li ngay lacc waji ne ko no xewul mu ne ko kon bayil bu mu xew nga dogal nga lacc yoyu aussi attitude yu mel non aussi jarna moytu ñu ñew aussi ci borom xam xam bi ci attitude mom tam bi muy am par rapport ak talibé bi muy poser question gisone nañ ne aussi borom xam xam bi aji tontu laccé ji mom dafa wara lewet parce que la plupart ci ñi di poser question yi ñi ci ëpp xamuñu amna ñu bari ño xamné en tout cas ci ñom xamuñu tégg ni ñuy laccé question ci lolu lañu joxé won sax exemple sayyidina abou talha bi mu ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ko man dama yor sangara yi ñirim nu may def mu ne ko dafa kharam tour ko mu ne ko ndax man nako soppi vinegar mais fofu gis nañu sang bi sallallahu alayhi wa sallam geud ko manon nako nak manon nako geud ne ko du tontuna la ba pare loma ci lajal ndax man nañ ko soppi vinegar mais deful lolu dako ne dedet manoko soppi vinegar mom mu yam fa lolu aussi dañ ci biñ ci tolo aussi ci dimanche bi passé gisoon nañu aussi par rapport ak teggini que aussi yow mi poser question amna fo xamné aussi fofu ngay wara mëna yam bi nga newé ndax baxna ñu ne la baxul man nako soppi vinegar ñu ne la dedet fofu man war nga mëna yam fofu mais do ci tégat nan ah mo né ay alalu njirim la dé sen baye dundul dé sen yaay dundul dé bu voilà genre attitude yoy aussi jarna mo dé voilà manam fofu dafa am ñaari volet volé kon bu ñëk bi mom moy bi mu jundju ko bi mu wax ni c'est-à-dire que wala ñett manam ñaar wala yu jëk ci tudunako manam moy d'abord le fait que ki laaj buñ la laajé manam ba affaire ba mu léral na ki ton ko xamna bu baax circonstance yi nga yo laajé jaratu ngi continuer et que tamit ki nga xamantene mom moy tontu warna am ben xétu lewet ben xétu lewet ak compréhension bu muy am par rapport question parce que ñu ñep ñoo comprendre manam ñoo comprendre soit ni ñi laajé wala ni ñi waxé wala yoy nit ñi dañoo bëri dañ té wuté façon am na ñoo xamantene ñom da naka xamu ñu ñi waxé am na ñoo xamantene xamu ñu ñi laajé et cetera donc lolu dafa mata bayyi xel ci buntu bobu maintenant lolu dañ koy permettre ñi nga xamné ñom xamna ni ñi buñu fréquenté manam milieu bi nga xamné moy milieu xam milieu té gi nga xamné dafa am rigueur té gi et cetera mais quant à ko xamné té yag na ko fréquenté koku niñ koy tonto niñ koy comporté wo ak mom ci lolu du bok ak niñ comporté wo ak manam ko xamné da ngeen tassé ci mbéd bi rek wala yu mel non wala gamu jot wala conférence jot muy laaj koku du ben ñaar ñoomi biñu ben benen bi ci dess mom moy benen volet bi moy ne aussi il faut que manam bu meune manam ki laaj parfois meune indi benen attitude c'est à dire que meune ni comme fomu sayyidna abou talha def radiyallahu anhu bimu laaje yalla salaam ah mbir mi yefi ngirum la nangam bimu paré yalla ci salaam salaam lañ ko dañ ko tour ko ahriqa tour ko wax sirib di dana te nga tek li nga xamni mom moy moy beuri go yim defal manam yiñ ko defal mais bim ne ko est-ce que duñ ko afala nak taxiba xalat est-ce que duñ ko jël def kon ak legui bi neka voilà c'est-à-dire que comme que mom gissone na ni processus bi li bokku gul won ci laaj bu jëk bi motax mu laajay ko ko non motax nga giss waxatu ko ni ko par exemple comme li señ karid wax legui nek fa nan ko pourtant ala lu ndirum da parce que mom ci ndal beul wax bi waxon nako ne ndirim ñoko mom voilà manam bëgg insister wat ci buntu bobu koku ci xéet ñak téegi ni gëna mag la bokku ben mais ñaaral bu aussi moy façon wu manam di jema pour ñu wax la dina neex pour ñu xal la neex la dal na ñala sam biñ ci tollé sax ci exemple bi joxé won nañu exemple hadithu kaw bi pour woné aussi parfois ki nga xamné mom mo xam jangalé kat bi ni muy réagir par rapport ak ki nga xamné xamul moy kaw bi nga xamné dafa jogé won dëkk ñew saw ci jakk ji nit ñi jog bëgg ko door yonnante bi sallallahu alayhi wasallam né bayiléen ko bu leen ko door bayiléen ko mu yeggal li muy def bimu ko bayé mu yeggal li ba paré ci lako woné ko fi jakk la expliquer ko ndax xamul aussi sëriñ bi aussi non la wara mëna comporter par rapport ak ñi nga xamné xamuñu amna leneen aussi liñuy jangé ci suñu hadith bi moy aussi tontu obligé wul aussi mu gudd comme gis nañu fi danaka suñu hadith bi ben mo rek la moy la dedet hadith bi lepp lim hadith bi la rek la mom dafa né dedet gis nañu aussi man nañ ci jangé aussi ci suñu hadith bi aussi le contraire aussi moy né tontu aussi obligé wul mu gatt gisone nañ ko aussi ci suñu premier hadith bi biñu ñëkkon jang fil bax yi nga xamne dañoo demone geej yoron sen ndox ñu ragal buñu jappo sen ndox mi jeex duñu am luñu naan wala duñu am luñu toge ñu ñew laaj yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne ndax man nañ ko def am deet man ndax man nañu jappo suñu ndox même deet mais mom waxu len wi wu no mais daf leen ci tegal ñeneen ah ndox bi de dafa lap tay ndox mu geul dafa lap cela balati te aussi man ngeen ko jeufandiko jappo ko ke yoy sen jaamu yalla yeug deme non fofu aussi dañ fay jangene aussi tontu aussi man la baña gatt jangene nu ci aussi ne wi ak non comme niñ ko gisee legi waw ak dedet aussi tontu la aussi ci latte legi nak dañuy ñew dugg ci mas'ala fiqhi légi nak bi ci ñëk bi ñuy gis moy masala yi nga xamné dañoo wërwërlo ci walu sangara bi ci ñëk bi ñu gissoon moy sangara ndax dafa haram am deet dafa xat lolou nak biñ ci yexé danaka unanimité moy ijma dafa amon ci mbolom borom xam xam ñom ñep d'accord nañu né sangara mom dafa haram voilà kon légui genn na ci étape bi nga xamantene mom mo nekkon té gennu ki nga xamné mom moy ki sakku xam xam ak ki jangalé légui duggu ci na ci question yi nga xamantene ñom ñu relatif ak question manam masala fiqhi voilà ka pratique yi nga xamné yoyu deug deug monam mo motax série bi deug pour la plupart voilà bismillah donc bi ci ñëkkon ci masala fiqhi mo doon sangara ndax dafa haramam deet koku mom ijma amna ci moy ne mom dafa haram ñaarel bi moy laté won nañu aussi ndax sangara ndax dafa sobeu wala dafa lap lolu nak gisoon nañ ne danaka y avait un presque consensus moy ijma danaka ijma amon na ci sauf imam al-lays ibn sa'd rahimahullah mom mi nga xamne dafa waxone sangara sobewul amon na aussi imam daoud az-zahiri mom tamit newon na aussi sangara sobewul amon na aussi rabia ibn abdurrahman mom nak wax ji dañu ko askanale mom tam dañu newone neena mom tam sangara sobewul amon na aussi imam al-muzani mom tam dañu ko askanale wax ji ne sangara dafa sobewul legui dañu gissat aussi mas'ala tukhuriyatil khalli labu vinegar mbollem borom xam xam yi d'accord nañu ñom ñep ne vinegar dagal na budé dafa soppékul bopam budé mom processus la bo xamné nit intervenir ci de manière naturelle la intervenir ba changer bopam joggé ci xalu sangara dem nek dem dal ci xalu vinegar nek vinegar fofu mom ñep d'accord nañu ne vinegar bobu day dal di dagal légi nak amna ñaarelu masala bi moy masala istikhalatul khamri ila al khalli moy vinaigre bo xamné dañ ko nit ñi ñoko transformer wala en tout cas dañ ko yobbu ci machine wala ci usine ñu transformer ko waaw ci walu bobu nak mahzab yi moy école yi ku nekk dang ci am sa gis gis budé hanafi yi la ñom dañu japp né soppi sangara def ko vinegar dagal na te vinegar bobu dina la budé ci walu maliki la ñom nak ñom dañu am ñetti parti yo xamné d'accord ñu ci question bi dañu am ay en tout cas ay points de vue yu différents ñetti parti la ñu bi ci ñëk moy né ñom dañu d'accord ñi ci ñëk dañu d'accord ak mahzab hanafi ñaarelu parti bi ñom dañu d'accord ak shafi'i ak hanabilay ñettel bi nak ñettelu xaj bi ñom ñettelu xaj bi nak newon nañu ci sen mahzab bi ci mahzabu maliki mo ci gëna ñom ñoo ci gëna juk gën ci wër ci sen mahzab ñom ñom newon nañu sangara bi nga xamne dañ ko transformer dagal na jëfëndiko été labna waye nak dañ ko sip waaw ñettelu xaj bi ci ñom newon nañu mo gëna wër ci sen marsa té moy bi gëna wër mo doon ñom dañu leewon sangara bi nga xamné nité ko transformer wala ñu yobbu ko ci usine ñu transformer ko def ko vinegar bobu labna waye dañu ko sip sip bi nak li tax ñu sip ko moy le fait que sangara di transiter ci loxo nit ñi le fait que ça mais une fois que ñu transformer ko jël sangara bi def ko vinegar bañu xamné légui li vinegar la moment bobu ñom dañuy dal di japp né ki dagal na ci wu sobewu légui nak ñu ñew ci shafi ñom shafi ñom sen point de vue mo gëna simple ñom dañu wax ni comme sangara dafa haram jëfëndiko ko dafa haram lal ko dafa haram té dafa sobewu soppi ko def ko vinegar aussi da fay dal di haram par contre ñom sa shafi yi ñom dañu né nak budé vinegar bi mom mo soppé kul bopam de manière naturelle comme niñ ko gissé légui mom day dal di dagal wala boudé dañ ko jëlé ci kër gi yobbu ko ci naaj bi mu soppé kul bopam aussi day dal di dagal day dal di dagal wa xana bi lay aussi ñom tamit comme Shafi yi lañu ki ñom ñoo xawa bokk point de vue ñom dañu ñom tam dañoo wax né dal sangara def ko vinaigre dafa xarab non donc en résumé buñu xolé moy né Hanafi ak Maliki ñom ñoo xawa ñom ñoo bok gis ci question bi moy né sangara buñ ko transformer def ko vinaigre té nit ñe ko transformer koku day dal di lap té day dal di dagal budé nak Shafi yi la ak Hanabi lay ñom nak dañu jappané dafa xaram voilà donc question bi fofu lay tourner autour de sangara si lan mo tax mu nek vinaigre kon su fekkante dafa naturel man dafa soppé ko bofum dañ jël sangara tek ko naturellement muy évoluer di soppé ko réaction chimique muy soppé ko ba nek vinaigre lolou dara nekul lolou dagal na ci mbolam borom xam xam yi amul kenn ku wax contraire voilà c'est à dire amul kenn ku wax contraire bi manam ci borom xam xam parce que après ñu bu borom xam xam mën nañu ñu wax lu la neex mais voilà légui benen point bi mom moy kon ñi nga xamantene ñom ñoy manam moy ni nga xamantene ñom ñoy manam moy bu fekkante nak legui dafa am transformation bo xamantene dafa juggé ci loxol doomu adama manam nit moko soppi fofu la borom xam xam yi wuté rahmatullah alayhi buñu teñké mbir mi dañuy gis né maliki hanafi ak maliki rahmatullah ñoo bok gis ñom seen gis moy la moy la bu fekkante né man mako soppi dagal na suma ko soppé dagal na té dina la sauf que maliki rahmatullah ñoom dañu gis né loolu dañ ko sip lool moy li note ci seen mazhab té xankal bi wax na ko légui ñaarël point de vue bi moy né mazhab Shafi'i ak Hanabili rahmatullah alayhim ñoom dañ ne fek comme nit laal nako dal haram na sauf que lan Shafi'i rahmatullah dañ ni adé sous condition que laal bi baña nek laal bu démé néké comme par exemple toxalé ko jël ko fu sét yob ko tang wala comme jël ko par exemple yob ko ci kër gi bamu changer nek vinaigre wala yu mel non genre yu mel non lolu genre transformation yoy bu ko loxol bu ci loxol nit laalé même boudi yéne bi mi ngi ci lolu graw alors que Hanabi lay rahmatam ñom dañ ko téré totalement en gros dal lepp lo xamantene kon dafa industriel jël vinaigre jël sangara yob ko def ko vinaigre té vinaigre de façon non rek lay def vinaigre du djugi fenen furul ci a part de sangara voilà vinaigre a part de sangara lay djugi manam voilà donc ñom c'est à dire que bo xolé ñom seen meza moy lan moy né su fekkante né kon dañ ko dougal yobbu ci ay usine wala ay nit diko di ci liggéey ba tax mu soppé ko ñi nga xamné ñom ñoy ñan Shafi'i ay Hanabila rahmatullah ñom dañ japp lu baxul manam dagalul labu alors que ñi nga xam tane ñom ñoy ñan Hanafi ak Maliki rahmatullah ñom dañ japp ni la dagal na ndax lan ndax mas'alatu istihala te mom lañu wara gis voilà kon ñu bayyi xel mas'ala bobu te loolu mom mo no manam li nga xamné mom moy masap han Hanafi ak Maliki rahmatullah te mom moy vinaigre bobu dagal na moy li nga xamantene inshallah taala momo wala mo not wala legui serigne bi jox nañu transition bi moy masala istikhara moy lu joge ci dara soppé ku dem nek moy par exemple lo xamné dafa sobé won dem joge ci xalu sobé dem dal ci xalu lab wala le contraire joge ci labu sep ci xalu lab dem nek sobé comme niñ ko gisé ni ci suñu hadith bi moy sangara ci joge ci xalu sangara dem nek vinaigre donc lolu moy masala istikhara bi biñ ci tolo aussi gisone nañ ko ci suñu hadith bi joxewon nañ ci nak ay exemple yu bari pratiquement biñ koy traité ay exemple rek lañ joxewon légui gisone nañu aussi ci masala yi aussi ki yor alalu njirim gisone nañ ne aussi ki nga xamne dafa yoro alalu njirim dafa wara def voilà manam kon mas'al istihala mo ne kon mas'ala bi nga xamne manam bi gëna mak ci mas'ala yi nga xamne mom lañ waron gis ci buntu bobu a part transformation wu manam a part sangara ak li wër wër lo ci sangara manam haramam ak gravité bi ci nek ak gravité bi nek ci diko utiliser ak et cetera mas'ala istihala bi kon mas'ala la ko xamne dafa important trop parce que ben comme genre règle la en fait lo xamantene soko xesse ba xam question yu bare day régler wu ci sa bop moy lepp lo xamantene baang xel lepp lo xamantene dafa changer djugge fan ci ben état bu djugge ci état bi complètement ba transformer wu nek lenen lu contraire ak limu nekkone day changer até voilà sangara ci sobena sobewuna sangara sobela mais dafa transformer totalement ba caractéristique yi nga xamné mo doon caractériser sangara té mom moy le fait que muy mandilaté deñ totalement donc mu soppé ku nek vinaigre té vinaigre monam até mi ci leen soppé ko nek lula deret sobela wa deret kiwul sobela xaw kiwul gazal legui dafa wulbeutiku ba dem ñu soppeku totalement ba nek musc parce que musc fan lay jogi ci deret kiwul dañ koy defal musc bi ngeen di xéñto parfum day daal di lap maintenant dagal ndox bo xamantene dafa lap am lu ci dugg ba changer caractéristique te li ci dugg nek sobe soit mu changer xet bi wala tiakke bi wala melaw yi manam couleur bi wala odeur bi wala saveur bi lan day changer atem day changer manam day da nek lu sobe wu mais aussi ndox mi nga xamantene mo jaar ci égout yi sobe wu buñu ko retransformer manam han nan lañ ko tuddé han amna luñ ko tuddé recyclage buñ ko recycler bam mu yora caractéristique ndox yi manam day da di changer até da di nek lu lap amna nak différence entre lap na ak potable na ñaar yo duñ ben mais lap na té day labalat c'est-à-dire que nit ki mën na ci japp mën na ci sangu farata mën na ci raxas sobe man mën na ci dindi sobe voilà topal lool ci yeneen mbir yépp bëpp mbir mo xamantene ci ciossan dafa nek lu sobe wu mënu transformer caractéristique yi ba mu nek leneen lu différent day dali la bu fekkante na dafa nekkon tamit lo xamne dafa la mu changer totalement ba jeng ci giyaku mais gis nga mais fo lol dafa mata baye xel c'est à dire que du lepp lu la c'est à dire que tay bu fekkante na dama yor sama ndox wala sama lan waw kum warga ma def ko ci ndox baxal ko bamu soppeku dem nek la ataya lolou dina changer le fait que ndox mi legui dotul labalati mais lap na batay même bou des caractéristiques changer nek cependant su fekkonté li ci dugg sobe la day changer caractéristique yoy legui maintenant lutax précision bob matay bata baye xal moy tay buma jëlé sama jus raisin wala bisap wala lenen mu tiyiko mu dem ba fermenté wu ba ben moment nga xamantene boko nané da ngay mandi c'est à dire que donc dafa soppeku jëm ci yak lolou mo waral mu nek sobe lool mo waral mu nek sobe cependant su fekkenti dama jël sama dama jël par exemple ben ben comme un sende comme tiou bu jël ben tiou bu jël ma tek ko mu fanan fanana fanana bu lo gis mu soppé ko ba nga xamné légui da fay mujjé yor caractéristique yu ratax par exemple ak yu mel non day da di mujjé nek lan day da di mujjé nek lan sobé day da di mujjé nek sobé ndax mas ndax istikhana bi mais lolu moy mazhab maliki rahmatullah alayhi buntu mom benen bi mom moy waccu en fait ci mazhab maliki lolu après dinañ ci ñew buñ ci yexé inshallah ci walu buñ yexé ci amna hadith wax buñ ci yexé dinañ ci traiter lool manam walu waccu yi ndax sobe la wala du sobe mais ci mazhab maliki par exemple rahmatullah té inshallah lool moy li gëna deugër buñ ci yexé tam dinañ yaatal question bobu inshallah moy la moy wa su nekké ni mu nekké nonu manam nit ki su fekkenté na dafa waccu dafa am tékantal c'est-à-dire que dafa am tékantal manam mbir mi du waccu yépp ñoo nuro du waccu yépp ñoy sobé wala waccu yépp duñu sobé mais dafa am luñuy xol moy dañuy sét ndax ki limu lek ba paré waccu ko est-ce que changé na su fekkenté na lool mo motax gal du sobé lool mo indi gal du sobé parce que gal li lire bi won na la moy soow mi mu nan mew mom la genné wat nga yor mu yor même couleur bi ak yoy alors que su fekkenté né même nit day gal la même mak day gal la mak day gal comme imam malik wa rahmalah néla gis na rabia manam moy ki ndon wax sax rabia ibn abd alrahman rahmatullah alayhi nga xamne serignum la won néna ci juma ji juma medina juma yenté bi sallallahu alayhi wasallam néna ma gis ko mu dem gal après mu dal di wolbut dal di ñew julli changé wul ki wum quoi c'est à dire que yaqul ki wul sodum japam du nekul sobe parce que gal ge parce waccu tamit non la mel manam waccu moy yu mak ñi di def mom su fekkante ne dafa nek waccu bo xamantene changé wul caractéristique limu lek manam du un changement radical lolu amul du sobe mais kagn lay nek sobe ba pare du yak ndiap aussi du sobe te du yak ndiap kagn lay nek sobe kagn lay nek sobe moy su nit ki waccio ba pare mu gis na waccu bi dafa yor caractéristique yenen yu bokut ak caractéristique wacc manam limu lek ko moy par exemple nit ko xamantene dafa ané masalan sen bay ciou jël bu wex ciou jël bu wex mais xeyna ni ci dégué xeyna mu waxawa ki quoi mu dadi ñew waccu ko suko waccio mu nek lu mu verte par exemple dem ba commencer verte par exemple dañuy dadi xamné li nak légui sobe la lol day dal nek sobe voilà et cetera topal lolou ci yu bare manam question yoy non boko topé ci ay mbir yu bare bi nga xamé manam istikhala manam mbir bu soppé ko ci benen dem ci benen anam caractéristique day dal nek sobe wala du mu baña nek sobe ah lol bata baye xal la legui mu am par exemple xam nga jalala gis wax gis nañ jalala moy am xat wala kanara wala gëna wala am asmbey wala aw nak ñuy lek sobe ba mu am jeexital ci ñom ñun wolof yi dañuy wax ne dafa dof manam buñ nan xarmi dafa dof moy xarmi dafa mujjé nek ko xamné dafa am xat go xamantene manam limuy lek manam sobe gi mi lek mo def caractéristique yoyu mu am xat gogu mel non légui bu boba duñu lool day daal di sobe wu c'est-à-dire day xarama lek xarmu manam tay bu re bu ngi won sax na xarmu buñ ko rendi won sax duñ ko meuna lek ndax la ndax dafa sobe wu sobe bi mo nek ci yaram bi maintenant nañ xol xarmu mu ñu soppi ko manam ñu jey dem ci bi ku fenn pendant 3 jours lan moy soppé ha caractéristique mi day soppé c'est-à-dire que moy yaram bi li nekkon ci biram soppé bobu do daw ci mom day dem ba muy lek leneen lu la man day dem ba circulation bi ak ha da koy guéné day dem ba nga xamné day jeex ci mom kokku nonou légui day daal mu jël la ba c'est-à-dire que changer na até ñaari yoon mom bu dëkk bi moy dafa ñëkkona dagal mais limi lek sobe mo taxon lool mo motax nga gis mazhab maliki rahmatullah alayhi ñuy wax ne ci lu demé nek kanara ñuy wax ne dañu sip ko lek ndax day dundé sobe ci buntu bobu lañ ko waxé mais waxu ñu ko parce que tout simplement kanara mom ci jëmmé bopam mom lañ sip ko lek dédé mais c'est parce que dañ xamné kanara yi dañuy faral di ngeen ko kanara yi ko xam dañuy di lek ci wala ci sobe yi maintenant kanara bo xamantene nak mom melu non kenn sibul ak lekam sip nak ak haram du ben sip moy li de dañ la ko téré buñ sañon do ko def mais soko defé tamit garawul am nga ci droit lool lay tek voilà donc masala yoyu hein voilà en gros etc. Top quoi. Mais amna yu bari bari bari ay cadre figure yu bari yu meuna présenter wu ci mas'ala fu istihala ci di leral question bobu non voilà ta bismillah amna yenen mas'ala yi ñu gissoon li gissoon nañu aussi ki nga xamne dañ ko denk après buñ paré ci yeggal inshallah wa kon bismillah ñu tambali wat wa grand biñu gisé masala istikhala bi légui amna benen yenen masala aussi yi ñu jangé won ci suñu hadith bi moy ne ki yor alalu njirim kiñ ko denk dafa wara def le tout ci kemtalay katanam sam alal joju ñu ko denk buñ ko xolé ci suñu hadith bi sayidina abu talha bi biñu kharamale sangara newul rek bon tant pis pour ñom affaire bi kharam na legi amul problème nañ ko tour ki ak yoy dedet dafa dem ne bon comme alal buñ ma denkon malgré que kharam na dem rek laaj sang bu tedd bi xalaatam balama ci def leen affaire bi aussi non lañu doxale aussi buñ la denké dara bu démé ba illicite wala démé non balang ci def dara aussi laajal ñi xam ñu conseiller la wax la la sharia wax ci mbir mom gisoon nañu jangi dañu jangé aussi ci suñu hadith bi né ko xamné dafa irresponsable ou irresponsable par exemple ci suñu hadith bi moy ñi ay njirim lañu ay xalé lañu té xamna ñi seen alal mënañu leen ko bayé donc dañuy jël un tuteur quelqu'un de responsable mu tél leen alal bi gis ñu ci aussi ko xamné aussi exemple ki nga xamné aussi yamul rek ci njirim bi mais ku dof ko xamné aussi wërul té amna alal ko aussi alalam dañ koy jël denk ko ko xamné dafa responsable ba muy wër gis nañu aussi ki nga xamné dafa na ki na aussi c'est pareil bu naxé bobu néwatu fi entre guillemets mom tamit dañuy dal di jël alal ji denk ko kenen même buñ ko xolé fi ñun ci suñu exemple fi en France ku melni madame Betancourt gisoon nañ ko fi di mu naxé yor alal ju bari day jéki say photographe mu may ko 20 millions kéré mu may ko 30 millions kay non attendez ya un problème amina ay da allez la va mu ngi wuté voilà donc mom bi domi gisé né mom dafa naxti mu ngi jël alal ji diko passer passeré gu démé non domi né ah ñun suñu yaay mu ngi passer passeré suñu héritage ñu dem gis juge bi dañ ko mettre sous tutelle ñu jël légui ko xamné légui moy gérer alal ji gu démé non raisonnablement gisone nañ ñu aussi ko xamné day yak alal par exemple jigen yo xamné mom bu alal wu ki dépense keur geu démé non day dem naté ko wala yi géré non diko ndawtalé wala yi démé non koku aussi bu continuer non dañ koy jël mettre ko sous tutelle à l'inverse aussi ki nga xamné aussi borom keur bi nga xamné aussi mom xaalisu keur gi da koy jël diko jouer PMI salaire am bu ñëw mu jël olé mu joxé dépense baye dépense njabot gi dem diko jouer PMI té PMI probabilité perte mo upp probabilité gagné donc bu boba aussi ndaw si dana dem ci juge bi ne ko ah kat waaji mu ñu ruiné wa mu ñu ruiné xaliss te bi koku aussi dañ koy mettre sous tutelle gison nañ ko voilà mais nak gison nañu aussi ni ñoñu ñepp bu ñu ñëwé ba déllu sen état normal par exemple njirim bi bu démé ba commencé don mak dañ koy tester par exemple bu commencé ñu jox ko touti xaliss xol nu ban comportement la am ak par rapport xaliss bu ñu gisé ne mu ngi koy commencé di gérer responsable na ah bu boba dañ koy délo alalam waaw ki naxon aussi bu deme ba bop bi delu ci ñu gis ne legui wërna koku aussi dañ koy daldi delo alalam ñom ñep nak tayep ku ci nek bu deme ba wër rek wala en tout cas ba delu wat ci état normal ñu gis ne legui mom mëna gérer alalam ñu koy daldi delo wat alalam mu géral ko bopam gisoon nañu aussi ne ki nga xamne jam la esclave bi mom amul alal mom dañ ko mom te kiko mom mom alalam dafa melni ñun par rapport ak suñu borom subhanahu wa ta'ala waaw gisone nañ aussi ci suñu hadith bi moy ni buñu jëlé par exemple ki ñu doon cité légui ki nga xamné dañ ko responsabiliser jël gu jox ko alal denk ko ko buñu démé té mu jëlone alal ji investir ñu dem nak té bobu marché bi yaqogul ñu dem ba marché bi yaqku mom alal diñ ko denkon bu fayit amé du rembourser du fay wa lolu aussi jangé won nañ ko aussi ci suñu hadith bi té gisone nañu né buñ ko lajé xaliss bi sax togn lay gëna jégé ndax sharia mo ñew kharamal mbir mi donc mom dafa indépendant ci volonté légui nak ñu ñew ci génn nañu légui ci masala fiqi légui dañuy dal di ñew ci masala usuli masala usuli nak amna ñenti masala yo xamne dañ lañ ko ci cité inshallah légui après ko xamna ab sëriñ bi dañ ko gëna yaatal en résumé teug ko bi ci ndeuk moy ne gisone nañu mas'alatul jami'ah wa jama'ah ñaarel bi gisone nañu aussi mas'alatul tarjih moy notal biñuy notal yek yoy ñettel bi gisone nañu mas'alatul ihtiram u dalilul ihtiram ñentel bi aussi gisone nañ ci aussi sunu lan moy saddu jariya voilà donc go xamna ñi inshallah serigne bi dana ko teñ présumé ñu ko inshallah ah ki voilà jamlo masabu jamlo ci ba dañ wax jamlo wa tarjih voilà jamlo wa tarjih lañ wax manam moy dajale ak notam moy souvent lo ku ko soxla moy suñu amé ben texte ñaar texte wala lu ko yo xamantene yoy yep ay texte yu sacré lañ voilà c'est à dire que dañu tolo doole comme alcorane wala sunna bo xamantene sunna yante bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo xamantene dafa manam dafa wër sax sax bu sabita dafa wër te sax voilà te munu ñu len boole man mu melni ta'aruf dafa am wala mu djegge ko wala lu ko nuwul ta'aruf moy contradiction mu melni contradiction dafa am wala contradiction amul mais djegge nako c'est à dire que pour ñu dajale len dafa pour ñu gis ne dañ aller dans le même sens dafa compliqué lolu ci lañuy soxla tout temps ngir dané li kat ñaar mo tu meuna nek amna ñettel sax en fait moy mas moy mazhab lañ en fait dafa am mazhabul jamaa am mazhabut tarjih am mazhabut tawqouf mais mazhabul jamaa mom lañuy def c'est à dire jamaa mom moy bolé regroupement union suma jele ben hadith wala ben aya buy wax ci mbir mo xamantene dama am benen texte benen aya wala benen hadith bu ñew aller à l'encontre damay xol est-ce que mënuma len dajale est-ce que mënuma ne ah parti ben texte bu ñu dafa wax ci circonstances yi benen texte bi wax ci circonstances yi voilà wala bok mani texte bi day dafa waxe ni ci dafa waxe ni texte bi waxe na la ben texte bi dafa wax de manière générale benen texte bi wax de manière particulière wala ben texte bi dafa wax mu nek règle benen texte bi ñew nek exception ci règle bi lool moy jam lool moy non lay dajale on wala yu mel non da manam du beug nak ay façon yo xamantene meun na ko doxale tout temps pour meun ko dajale wala tout simplement benn texte bi manam mujumal la c'est-à-dire que dafa concis dañ ko wax d'une manière concise benen texte bi ñew leral ko ñew wax ko ne ni ko yaakaare won du non comme hadith bi wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme hadith ibn abbas radhiyallahu anhu yenenbi tawadda an nabiy sallalahu alayhi wasallam marra marra wasna wa ki wa maratan maratan han wa salatan salatan manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam jappuna ben ben ñaan ñaan ñet ñet par exemple bo xolé mas hadith bob liñ ci comprendre moy que ñu mëna japp ben ben mëna japp tamit cër yëp ma def ko ñaar ñaar comme mëna japp cër yëp ma def ko ñet ñet mais dafa am yenen hadith comme hadith sayyidna usman radhiyallahu anhu hadith abdullah ibn zayd ibn asim radhiyallahu anhu et cetera ak yenen hadith yu wone ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu do japp par contre bimu yexse ci bop bi ak hadith ki abdullah ibn amr ibn as radhiyallahu anhu bu nek ci sunan bobu yenen ñaar yi ma tuddu sahih la ñu ken yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu japp bimu japp bop bi ben yon la ko massa ben yon la ko massa légi lool man suma ko c'est à dire que shafi'i bi par exemple hein voilà moy shafi'i rahmatullah alayhi ñom lañ japp ne comme yentou sahum japp na ben ben ñaan ñaan ñet ñet lool limi tek moy bop bi tamit bu may japp ñet ñet bop bi dama koy massa ñet yo alors que ñeñu dañ ni dedet mazhabul jamaa lañu def c'est à dire que dañuy bolé taxi comme que bi yentou sallalahu alayhi wasallam bi dafa bi mujumal la c'est à dire que dafa dafa concis texte bi dafa concis ben ben la ñaar ñaar ñet ñet la wax mais texte bi détaillé mo ñu wone yi ñi wax ñaar ñaar wala ñet ñet bop bi par contre ben lañ ko doon def mo mën nañ ko bolé manam contradiction amul ci wax lool moy jamm voilà comme li xam hadith sayyidna anas radhiyallahu anhu voilà ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam fum doon muna muna bo len deli xam na ngeen muna fa awtiru na ngeen ko def ben ben hein mais amna ben riwaya ci bu ayyub astaghfirullahi rahmatullah alayhi muna illal iqama bamu dess iqama manam moy bima wax qamatus salah mo wax ko ñaar yoon mais lolu buñ xolé par exemple maliki rahmatullah alayhim ak khalafi rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne buma yulli xam buma yexse ci qamatu salat ben yoon la ko wax ndax hadith bi lolu la wax ndax hadith sayyidna anas bob radiyallahu anhu alors shafi'i ak hanabi rahmatullah dañu dédé comme illa al-iqama manam c'est à dire que amna ben riwaya bu sax ci sahih imam muslim rahimahullah mune bamou dess iqama manam moy parti wu qamatu salat bobu mune bobu ñaar yoon la koy wax donc ñun buñuy liqam buñuy sét ci qamatu salat dañ koy répéter ñaar yoon té lolu tamit contradiction amul manam lolu mën nañ leen bolé parce que lutax dafa am ben qaida qaida moy règle moy axiom axiom wala règle règle législationnelle qa'ima fiqhiyya bune i'malu dalilayn khayrun min ihmal ahaduhuma manam i'malu dalilayn khayrun min ihmal ahaduhuma wala bo sura nexe ngene al i'mal khayrun min al ihmal i'mal moy la moy nga jëfëndiko ñaari dalil yi mo gën nga nénal benn bi lutax parce que ñoom ñepp dañu génné ci benn mishkat manam benn niche benn moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy wax al qur'an tamit ci yalla la jogé té yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxam tamit ci yalla la jogé ño bokk niche biñu génné donc contradiction amul fofu kon ma jëfëndiko leen ma xamné ñaar yi mëna leen appliquer mo upp doole ma jëfëndiko benn ci ñoom ñaar lool mom moy i'malu dalilayn khayrun min ihmal ahadihim donc lool mom motax tout temps bu kess bu ñaar texte ñëwé non ngay def lool mom motax masala manam fiqh bu mëna doon question fiqh bu mëna ben question bu ñëwé ci sa bop wala bu ñëwé tek ci sa kanam obligé dafa am lo xamné war nga samonté ak mom lool mom motax ben niveau bo fi yegul do ko man il faut être clair c'est à dire que où sérieux c'est à dire moi là moi souvent le texte n'y est d'où mène rek man de gisone na ay wax nangam comme tay par exemple buñu laaje sangara luñ ci wax nga ne man de sangara gis na ci ayé bu ne hein fi nako fi manafi kaseer nako dedet yasalunaka anil khamri ma maisar qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima wala dinagn la lacc ci mbiru sangara mel sangara amna bakkar bu beuri puti nek bu reuy ak gravité bu ramak bu ci nek mais amna ay ndar te sen ndar ñu man sen lool ñu upp ndar ñu comme gisna ki bobu texte bobu donc ak tamit gisna benen texte d'ailleurs bu ne nga ayyul ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ne yeen ñu xamne gëm gën te deggu su fekente ne manam bu len jégué jakkay manam bu len jégué place yi ñeen di jullé luddul manam fek ne yeen manam bu len fa jégué fek yeen ngi mandi quoi tandis que so len mandé bu len julli parce que ba kérok ngeen di xam li ngeen di wax légui mo ne gis na texte yoy donc ce qui veut dire que ne sangara grawul en fait li ci graw rek moy nga diko nan fek da nga man def nga wara julli lool mo graw lool en fait sérieuxul lutax lan motax parce que tout simplement dama bayyi xel yenn texte yi mais bayyiuma xel yenen yi lool la manam moy dama xolé dalil yi ci ay lunette yo xamantene ben lunette bi dafa pat question bi lool sama lunette yi mako xolé ben bi mo pat alors que question bu ñew bu nek non lañ ko wara defé manam lool mom motax mënulo agir mënulo répondre ci ben question bu mën doon ci question yi téggu ci diiné ñuul nga xam d'abord texte yi ci ñew nga dajalé len ba paré nga xam nan lañ leen utiliser pour mën manam moy règle yi nga xamné non lañuy jëlé ben nan lañuy jëlé ben interpréter ko par rapport ak benen nan lañuy jëlé ben tek ko ci kaw benen et cetera lool kon moy jamo bi mom moy lool légui liñu yobbu ci tarjih moy masala biñ tuddu légui lan moy tarjih moy ma notal ma japp né comme yi dañ contradictoire de telle sorte amul benn côté bu mu meuna noter la benn ci faw benen bi ci dess manam bu mu meuna interpréter la bu wax manam amul benn côté mo len meuna bolé interprétation bu meuna permettre ma bolé len légui limay def moy lan moy dama len di damay noter benn ci kaw benen bi c'est à dire que je suis obligé ma jël benn prendre ko en compte bu ci dess ma baye moy comme buñ jëlé texte yi ñu wax légui amna benen texte buy wax ni ci sangara ne rijsun na min amali shaytan fattanibu la lakum tufliqu ben dafa ni sobe la ñaaral moy ci jëf shaytané la bok ba paré dañ ni na ngeen ko sori ce qui veut dire que kon warloko sax lal waroko djegge lol mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ci benen hadith gisone nañu tan hadith sayna anas radhiyallahu anhu sunan imam at-tirmidhi rahimahullah yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne yalla rubuna fuk ci sangara ñi nga xamne wala moy ki koy nan ki koy jaay ki koy yanu ki koy nal ki koy cede ki koy jënd ki koy yanu pour yobbu ko famu jëm ki loué fiñ koy def et cetera manam lepp tout ce qui tourne autour parce que alcorane mo ne ci jëf cheytaane la bok sori len parce que cheytaane dañ ko reub kep ko xamne da nga nek ci bir limu ne da ngeen di bok fi ngeen dem fi ngeen di jema yeena bok groupe voilà donc bo len moy tour di ngeen bok fi ngeen di jaar donc lolu mo waral lolu mom mo waral ke ni kon biñu sangara nekké lo xamanteni dafa haram dañ ko sori mais légui nak boba nan lay comprendre aye binema la non en fait buñ ko nan fekk yaangi waji julli bo kéro xana ngay manam bu re dang ko da nga nara julli fekk nga nan sangara xaaral tout hein voilà moment yi nga xamné yaangi waji julli bul nan quoi bayil ba julli wessu mais ay bobu da ngay gis ne man fook ma jëfëndiko fofu parce que ñaar ñi mënuñu and manam compatible luñu dañu contradictoire totalement il faut ma jëfëndiko loolu la wax maslak tarjih manam moy soob wayu lan notal jël ben ne la il faut ben bi ma bayiko duma ko jëfëndiko jël benen bi tek ko moy lan tarjih moy notal wala moy lan moy ne ay bu boba comme ñom ñaan ñep ñoo tolo deug ray fim tolo mënuma utiliser côté deug ray parce que ñom ñaan ñep ay alcorane lañ bu ñu jang ñi ngi ci kamil bi kon deug ray ñoo tolo deug ray wala buma xolé manam amul kon benn côté bu moko mëna notalé ci côté bob li kon nan lay def dama nan ban ce qui veut dire que ni kon benn bi mom mo nasaxal manam mo abroger benen ci façon bobu lay notal façon notal ni nak daño bari du jax ni ci attendre wu mais dafa bari ni ñuy mëna notalé benn ci taw benen parfois souvent day nekk ci comme di nasax ak man sofu parfois tamit day nekk ci walu deugaray bi manam ban mo gëna deugër benen bi ci dess voilà légui légui tay mu am luñu wax mas moy maslaku tawakkuf wala maslak bu tawakkuf tawakkuf moy mané man day awma avi ci mbir damay bok parce que amuma dara lu may permettre ma meuna statuer ci question lolu moy tawakkul legui lolu souvent fimi amé mom moy bu fekente ne ittirab dafa lolu lañ ittirab manam ñaari hadith dañu ñew ki di wax ni ki wax le munu mako bolé munuma len bolé ki wax totalement contraire bi ba paré awma len manam moyen yi ma meuna jaar yépp pour notal ben ci kaw benen be mu am existé wu gisuma xawmuko boba lolu mom moy ittiraf manam dañuy dooranté ñom affaire bi annulé wu mais nak souvent boudé ci question fiqh la aju tawqouf bobu du yag lutax parce que tout le temps dina am luy ñew selon circonstance bi notal lén ci kaw lénen lolu tax tawqouf bi du yag manam tawqouf moy le fait que man ma taxaw rek né awmu ci position lolu du yag manam donc c'est à dire que munuma donc limay ñak mëna statuer bi mi ngi téggu rek ci circonstance bi mané mais pas ci de manière générale manam de manière générale lay né mais pas de manière ci muntudu ci ay buñu jëlé état détail pas nangam en cas particulier tout temps day am dina am luy note dina am tout temps luy permettre mo meuna notal len ci kaw leneen legui benen bi ci dess ñoo moy sadul zariya wala dafa mel ijma xam gisoon na wa ijma gisoon na ko moy consensus communautaire lool tamit gisoon nañ ko gisat ko ci sara dalilul iqtiram voilà lool tamit gis dalilul iqtiram lool detaay won nañ ko tamit ci biñu shar hadith bi dalilul iqtiram moy le fait que alquran wala yantibi sallalahu alayhi wasallam di wax di citer ay bir citer ndole est ce que le fait que mu citer ndole ci ben partie passage day tax ñu bokk acte wa wala def xam nga bu ne xol sangara maysir moy jeu de hasard moy yi ñi xam ci fa lañuy sampé moy fini rendé nagui pour jimé xet yoy non ak seen yalla yi ak ñi nga xamantene mom moy wa xambu yek xet yu mel non yoyu mu ne sobe lañ ci def ci état lañ bok le fait que ñu bolé len non day tekk la ñu bok até voilà et cetera donc amna cas du figure yo xamantene dalilul iqtiram day am doole parce que le fait que ñu cité doole day am doole mais dafa am cas du figure yo xamantene ñu cité doole du am doole lool tamit gisoon nañ ko yaatal nañ ko biñ ci nekké biñ ci tollé yaatal nañ ko détaillé wu nañ ko wallahi alhamdoulillah sabu zari'a lañ lañ wa dañ waxu won sabu zari'a moy lu am solo moy benn bir assi est ce waxu lu ko énumérer ci mas'ala fiqhiyyah né dañ ko yeggal ci usul bi après wala ki ñu voilà voilà mais ce que détaay wuñ ko won sax ci bir en fait mais bon bref nañ ko teunk sadd zari'a moy moy mbir dagal ci ciossam c'est-à-dire que en général dafa dagal c'est licite mais circonstances tax matière circonstances tax alcorane wala yentou sallallahu alayhi wasallam terre ngir bagn ku yegg ci lu haram diko jaare ci mbir mi te dafa dagal ça dit que mbir mi day dal di commencer comme tay par exemple louer keur louer sa boutique dafa dagal mais buma xamé ni buma ko louer ki ma koy louer sangara la fi jaay wala daf koy def bal balu kay bal ki xamnu bal quoi en fait bal moy comme boîte de nuit quoi en fait parce que dembu dawa am mo do waxtane wax ko bal xamul won bal quoi voilà mais comme boîte de nuit voilà voilà legui moy fini voilà c'est un petit deug voilà donc legui xamna ni sama local bi moko ko louer parce que mënu nak louer rek duma topoto luñ ci def mais que comme xamna né nak balu kay la koy def boîte de nuit la koy def boba day dal haram pour man ma louer ko du nak jëmi louer gi mo haram mais sadu zari'a la c'est à dire que alquran wala yentou sallalahu alayhi wasallam moma imposer mais pour nga moy pour nga tic buntu jotali ko ay lolou xam nga sad moy tej moy barrière gisee wadjal namu mbay da ay di saddal o min xam fi saddal sad moy barrière zaria moy jotali ko ay moy moyen ça dit que donc pour mettre couper court à tout moyen d'accéder à la désobéissance lolou mom moy sad zaria hein voilà comme vendange voilà exactement xam nga vendange dag raisin dagal na mais bu fekkene na dama koy dag ma gis ne fi lañ koy duggal te buñ ko fi duggalé sangara lañ koy sopp do jëmmi dag raisin bi ñi dag raisin mo daganul mais le fait que ma gis ne ci li la jëm mom mo xam donc ce qui fait que day dal haram mom tam c'est que lolou mo xam dou zaria amna nak lumu lugo nuru té mu nek à l'opposé mom lañ wax masalihul mursala dañ wax masalihul mursala masalihul mursala moy lan masalihul mursala moy damay né nangam bi normalement sharia da koy téré dans les normes sharia da koy téré mais nak gis na ni suñ ko defu wala suñ ko permettre ci cas de figure bi day jëm ci li nga xamantene mo gëna graw wala day wala du bax ñu ne kon nañ ko def masalih mursala cas de figure bi dina ciossa bokku na ci dalil yi nga xamne moy deugural masalih parce que masalih mursala fuqaha maliki rahmatullahi alayhi manam ci ci fiqhu maliki le gëna tek le gëna am manam maliki rahmatullahi ci seen usul ko fiqhu en fait dafa am tout temps usul bu muy tek moy base fondement méthodologie manam méthodologie fondamentale bi nga xamantene ci lay basé wu pour mën teureul pour mën xamné man méthodologie bi la ci li mo sama ligne de conduite à chaque fois que ci ñew ni la koy xolé manam vision bi lay am pour mën génné at parce que en fait méthodologie fu amul ci xam d'ailleurs xam xam yépp la xam xam bu mën ko méthodologie amul xam xam lu nekk fo mu am ben méthodologie bo xamantene ci lay mën di téké mbir sinon tay damay wax né li bax na suba ma wax na lé baxul ginnaw té voilà ginnaw suba ma et cetera manam lo xamantene après xétu anarchie le nous doolu nekati xam xam parce que amul ay règles amul ay théorie yu mbir mi di téggo xam nga amul ay théorie fondamentale voilà donc masalihul mursala moy la moy dafa bok maliki rahmatullah lu ñuy faral lu ñuy utiliser ci sen masal moy né dama nan par exemple comme li sayyidina khadir alayhi salam defo sayyidina khadir alayhi salam lu defo par exemple bimu yegge ci gal dal tok gal bi toñu ko tok bo xamantene du ko di da ko téré daw mais tok nako quand même lutax daf ko ayibal muna fa aradtu an a'ibaha muna lutax muna wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba dama ko bëggoon dama am intention ayibal ko muna lutax muna parce que ci kanam dafa amone ben bour bo xamantene day jël bepp day nangou bepp lan gal go xamantene amul ben ayib mais da koy nangou par force ngir manam tout voilà manam manam togn la quoi jël yu fi jambour tout simplement maintenant ni lolou moy masalih mursala lolou moy masalih mursala dañ koy wax tamit fath zaria comme ni ñu waxé sadu zaria dañ koy xal fath zaria manam moy lan moy kon dama ubbi moyen voilà moy lan moy tay bi nga xamantene tek ki dafa bi nga xamantene tek gal bi manam ayibal yeufi jambo manam lo xamne mom ma ayibal ko dafa haram te tay mais sauf que dama ko def bi pa sa serna khadija sa am daf ko def ne da ko def bi pa pour lan pour utilité bu gëna mak encore moy manam pour meuna sam yaquta gu gëna bëri lool tamit dañ koy wax tamit dañ koy wax qa'idatu irtikabu akhafu bararay dañ koy tuddé tamit lool moy qa'idatu irtikabu akhafu dararay manam ci buntu bobu daf ci duggal quoi manam en gros duñu même yi mais am lu do len wutélé touti voilà moy tay xolof par exemple manam moy entre deux mots da ngay choisir le moindre voilà amna mal bi le fait que ma yak ma xari fi jambour lolou ben la mais meun ngeen ñëwé ni pour jigen ni ki meun ngeen ñëwé ni irtikab moy mi jigi ci rakiba moy war irtikab akhafu dararay voilà moy le ki rek moy moindre mal rek wa le choix du moindre mal voilà donc lolu tamit day am moy ne ñaari problème buñ naré am ñaar yu yaq buñ naré am damay jël bi gëna doyali voilà gal bi bu ko xaré hein da nga tax bu bur bi du ko jël waji voilà bu ko naw maintenant lolu moy masalihul mursal amna tamit fenen fuko fu xaa malike di defandiko point la bu am solo nga xamantene ñoom fofu lañ tek sen règle bob mo da doy gis borom xam yu bari non pas borom xam xam yi manam ñi xamul manam ñi nga xamne dama ñi yëngatu ci fiqh ni mais dañu déssi xoot ci usul ci qawaid yi dañu dul gis dalil buy permettre malike par exemple fu ñuy waxé ci comme par exemple jigeen jo xamne ndaw la moy majeuru limi teki du amul 18 ans du lol voilà puberté and ak xal maliki fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañ né par exemple jigen bu tollu nonu bu non bu mel nonu papa mën nako jël maye ko sans mom mu d'accord fuqahu maliki rahmatullah lolou lañ wax mais ak amna chafey dañ koy wax rahmatullah alayhi mais li nga xamne mom moy li gëna deugul comme niñ ko xamé ci té hadith yi lolou lañ deugural mo né yéne tibi sallallahu alayhi dafa ni lolou amuñu duro def ce qui fait que ala kulli hal lolou mo not mais suñu wax ji djublu wuñ ci ngir lay ngir deugural mazhab bobu mais liñ ci djublu moy ngir lan ngir expliquer raisonnement bi deng voilà raisonnement moy lan moy masalihul mursala mom la fuqa maliki jeufaliko ci masalah bobu rahmatullah alayhi lol moy lan masalihul mursala moy dañ ne comme jigen doon xalena xamul dara donc papam mom déjà gor la te xamna gor ni souvent ni parce que surtout période bi nga xamantene jigen mën na dem ba am ay danaka 20-30 ans côté yoy te du vi jaxo ak gor ni du xam lu xam par exemple ni ñu mëna défé yenn yi quoi ni ñu mëna voilà manam ni ñu mëna leg ki quoi lu beulé quoi oui si lool mo non mais c'est important lool mo motax ki sharia imposer genre tutorat bobu manam ni jigen ni buñ koy may fook mo am tuteur parce que lutax parce que souvent goor ni jigen ni ñom duñu xam goor ni ni ñu lu beulé buñ ko xam donc pour mu mettre ko à l'abri il faut que manam mom mu meuna kilifa gi di meuna surveiller ki bobu voilà légui lool mom motax d'ailleurs hanafiya rahmatullah defuñu ko chat rahama lool am fuqaha est ce am ngeen lool fuqaha hanafiya rahmatullah jappuñu ne lan jigen di suñ koy maye dafa wara am tuteur mais taxi duñu yag tam ci masalaw mais taxi ñu deugural insha allah moy ñu dafa wara am tuteur té lool moy mazhab jumhur manam malike yi shafi'i khana bi rahmatullah légi ñu délu ci suñu masalaw bi ak masalihul mursalam manam moy lan moy xalé bobu xalé bu jaw bobu dañ gis né mom déjà xamul du xam tam souvent ay intérêt fu mu né parce que xam manam majeurul donc nek bu ko puber donc xamagul xamul fa la ay intérêt né papam bi nga xamné moy kilifam papam bi nga xamné moy kilifam dako bëgg tamit dako bëgg manam bañu ko ce qui fait que bu démé ba jël kenn tan ko may ko c'est parce que xamna ay intérêt voilà ñu né comme que xalé bi mom xamul ay intérêt légui papa bi nga xamné mom xamna ay intérêt mën nako jël mayé ko ci buntu mom lool mom manam parce que lutax ñu né masalihum mursala masalih moy ñu yewé na moy les réformes wala voilà les utilités les bénéfices yo xamne na mursala moy luñu yoni man moy luñu projeter quoi luñu projeter voilà ça avec ay utilité la ay bénéfices la yo xamne luñ ko projeter voilà donc dafa japp né utilité bi xeyna tay la xamul mais bu ci kanamé comme en fait comme ni ngay jëlé sa dom diko yobbu muy jang muy bañ du joy ngén ko da ngay tok jang go togal nga jang nga dem sa parce que lan motax soko bayé tout temps bu joyé nga yobalé ko après du ci du jang nangul def manam nek ci kër gi réwol rek té manam koku su maggé ci ngay su maggé mom du mom xamul intérêt donc yow dou ko ci obligé voilà lolou moy masalihul mursal fiq tamit dafa am parfois ay masala yo xamné day téggu ci masalihul mursal voilà voilà légui nak ci bir lolou nak borom xam xam yi rahmatullah motax ñuy faral di wuté légui nga gis comme par exemple masala bi mu ñu wax lay ci nga gis ñu bari ni ñu xamanté nak ay mutafaqih la man dañuy jang fiq dañ ci intéressé wu ñuy critiquer maliki rahmatullah ci sen position bobu alors que dañu comprendre rul ne manam maliki rahmatullah fiñu tek sen wax jojo quand même du ne dañ ko tegal ci sen banexu bakkan wala ci ay aada yuñ dan dund mais dañ ko tek ci ben règle bo xamantene bu essentiel la bu am solo te mom moy masalihul mursal da amene lolou wa yah alhamdulillah wala alhamdulillah wala gisone nañ wala ci jeexatal gi tam ndariñ bu mak bu nek ci manam ci suñu hadith ci walu nit ki nimu wara dundé surtout ci bobu ci walu né manam ni sangara di soppé ko di nek bi nega hein ekki nit ki tam warna considérer réalité nonou manam que ni bu fekkante ne mom dafa nek ci yu doy war yu ki nangam nangam bu toubé manam li nga xamné mom moy nek ci mom manam bakkar yi nekkon ci mom sobe yek yoy manam sobe batini la wax day tan soppé febar xol yi yep yalla mën nako wéx soppi ko comme limi soppé sangara def ko bi nga mën nako soppi té bi nga da yentou salalahu alayhi wa sallam ne amal idamul khalq ala est ce aka neex bi neex manam soof bu neex la ci mom moy bi neex sallallahu alaihi wasallam wala legui di soof ci ngirum mi di ci na est ce bu neega sallallahu alaihi wasallam mais manam aussi day dang ci comprendre lol que nit ki meun na lol wala et que tamit lu meun ti mel lu meuna doy war bu mu ne man je suis foutu c'est bon c'est fini yakuna jehna dedet na japp ne ni yalla meuna jele sangara nek li geuna sobewu ci mbir yi sobewu yi soppi ko def ko mbir yi geuna neex ci mbir yi geuna sel ci mbir yi non la ko meuna jele mom ci benn fraction de seconde ñu jele ko te xal bi geuna doy wax yom ko ci benen xal bu geuna bax donc bu mu ñak mu ko espoir bu mu ne man dama bon dama soppi dama def ni sama voilà dëgg voilà té ko tamit voilà nit ki tamit mën na dem yalla mën na lu nek voilà voilà té ko tamit mais tamit aussi muy baye fa lool ke nit mom tam lool la warna def effort pour lool manam sangara yi fi nek yépp manam mom warna mëna jël am ambition soppi ko def bi nekal c'est à dire sangara yi bon yi manam male manam bon bi fi nek yépp yu doy war yi mu nekké yenn mbir yi et cetera yépp mëna am ambition quand même jël ko soppi ko def ko manam def ko lu baax voilà comme le alcorane wax innal hasanat yuzhibun as-sayyi'ati zalika dhikra liz-zakirin yu bon yi dañuy yobbu yo xamantene yu manam yu baxi yu rafet yi dañuy soppi dañuy changer yi nga xamne ñom ñoy yu ñaawi fo dekkon place bo nek def fa lu bax def fa lu bon il suffit que nga delu wat place bobu def fa lu bax mu remplacer mbir lo waxon ci nit lu doy war waxatal ci mom lu bax lo xamantene dina wécc lu bon li nga xamantene waxon nga ko ci mom et cetera top lool lolu mbir yep non lay demé wala mla ñu ha dal fofu bu dé amul ay ay question wala yu non wax ben la ta bon nak pour ci walu sabu dare wax est ce que dikoy appliquer ci sara ci da nga xamné xamé way dé wa di na ko ni wa lay sara rek yalla mo am ko sara pour la France na tagal di def ko sa rola wa ko ko yep ko sa rek yalla ta wala xam nga wala lolu par exemple cadre figure bu am solo la bu ki la ci nit ki il faut ngay xol lan mo not lu not fokh nga diko xol diko bayyi xal par exemple wala suma jité ni ki xala moy ne xam nga leug leug tax nit mën na ñew na la dama xif dama def li lol mom motax do bëggon nga sarax na yoro fof 20 centimes wala ñu mel non mën na nek ne effectivement dafa xif mën na nek ne xifu da bëgg lan sangal kess mais yow ci doute bobu non mënulo permettre bañ ko sarax juste parce que da nga yaakar ne dafa def ni mënulo permettre ci lool mais cependant bu fekkante na lool mo fof nak la yaqin di manam fofu la affaire bobu di amé solo moy bu deugéré bu wéré ni yow daf la lèr ni ki daf koy nané ci sangara parce que gis nga ko par exemple manam amna lu koy walé loolu lañu wax loolu lañu wax karina moy situation yi wër affaire bi moy circonstances ñoma wonné ki buma ko joxé li légui da koy nané ci sangara wa bobu damay bañ mais suma amul karina bu mo xamné mën na tax ma notal lool do duma permettre wax lool parce que lutax parce que ku xif la rek kuy saraxu ku nek ci besoin la rek ak ku mëna do voilà lool par exemple sadu zaria mën na ko jëfëndiko mais que ci cadre figure bu amé karina manam bu amé ay circonstances yo xamné dañu lekkelo ak mbir mi yuy wané ni nam ki kat li mom mo wara kon ki kat daf ko bëgg nané ci sangara ak yu mel non mais amna benen cadre figure bo xamné la sadu zaria duma xaar am yaqin ci benn mbir pour mën ko def am cadre figure bi lool voilà c'est à dire que lool lañuy wax lool tam dañ ko wax qiyas shaba manam moy du moy lool moy qiyas shaba moy mané ñaari bir yi dé benn bi dafa gëna nuru li benen bi gëna nuru lé xam nga comme cadre figure bi nga wax ni c'est à dire que fini ki dafa ñew saraxuma et que ki saraxu li nga xamné mom lama alcorane yentim sallam li mu recommander mom moy ma sarax lool la bamu dess lo xamantene effectivement ay droit la yu wara delu ci julit bi lool par contre il faut mu jox ko ab julit comme lu démé nek azakam comme lu démé nek mourum ko yoyu sarax la yo xamné droit la bu revenir ci julit légui lolu ben la légui mais sinon da yenen ka yeb sarax mom mën na sarax ko bamou dess legui par contre mu am lenen lumay wonne ki kat bu mako joxe da koy nané sangara wala ki bu mako saraxé li xaliss bi suma ko joxe par exemple daf ci dem investir ko ci ay industrie armement par exemple yo xamantene après dañuy wëbbu ci kaw julit ni comme par exemple yoy non nga xamantene ay manam il faut que ma am lumay notal lool mom moy qiyas shaba manam dafa djegge li ba bare djegene dafa djegge manam dafa djegge lu dagal parce que tout simplement saraxé dafa dagal et puis dafa recommander dañ ko recommander dafa bax dafa nek luñ may digal mais aussi dimbali ko xamantene dafa moy yalla ci moy yalla tamit dafa nek lu haram lolu ñaari cadre figure yoy dajé ban nan lay notale benn bi lol moy xiyasu shaba moy dafa nuruli ba fara nuruli il faut que ma am ay circonstances ay qara'in yo xamantene ñuy lekkelu ak mbir mi pour ma mana jeng dem ci benn wal gi comme tay cadre figure bi ñu gis legui ni ci ki nga xamantene mom moy kan ki yalwaan te ma am doute ci ne da koy nané sangara wala dit ni nga xamantene nonu lañuy notale pour la plupart du temps ci jox ko mais bañ ko xagn rek parce que dañu am benn doute. Amna benen cadre figure bo xamantene dañuy notal leneen moy lan moy tay par exemple suma ñëwé ci benn boutique wala benn magasin mëna mo mom limuy jaay dafa dagal manam xalal la ma xol ci wër gi gis muy jaay sangara dootuma mëna wuuloti wax parce que mbir mom ci confiance lay mëna tégu. C'est-à-dire que donc saddu zaria gis nga xam nga fay saddu zaria moma permettre ma jox ko ni moolu ko fi saddu zaria moma permettre ma bagn ko wul voilà mo bagn ko wul donc lolu aussi donc lolu yu qiyasu shaba la en fait voilà fo qiyasu shaba bi na lay diké mom moy djulit la neena ma lu dagal lay jaay ndawalam li mu jaay dafa dagal man ko d'accord wolu nako parce que djulit la mais amna ci gwet gi lumay wone même boudé djulit la ki ay birum wour est-ce la bok parce que lutax parce que mbir mi dafa teggu ci information ci xabar ci babul xabar la nek manam buntu information la information ki la koy jox pour nga meun ko accepter le minimum mom moy lan mou lan mou fiable ah oui soudul nit ko fiable buma netele dara wala mu wax ma dara informer ma ci dara mais écoutez man en tout cas man mounou mako gëm ha et que kokou fiabilité dafa remettre en cause ndax lan ndax comportement ah ndax comportement moy perversité bi en fait lool moy fisc dafa pervers en fait parce que chéri lool la pervers en fait kokou pervers ci ci fuqaha wi wala ci même borom xam xam hadith lool le fait nga def ko rek moy wala ni wadi ak kacior bo xamantene mom meune fu bogo wala wallahi taala wala ki tayitu masjid fekke imam bi digi di kulba am dañ na dagam am na riwaya yo xam na yundi ak riwaya yo xam na day haram ngi yundi imam bi ko manam voilà. Faut que am utiliser maslakou tarjih. Voilà, maslakou jam'u wa tarjih. Voilà. Faut que dajé né après nga notam. Lool moy lan? Dafa am hadith yi wax né comme hadith Ibn Abbas. Radiyallahu anhu bu nek ñaar sahihi né buñu julé bonu mayentou sallallahu alayhi wasallam dafa téré kuy manam bu yenn heure yi moy comme bu jant bi buñu wala jant bu jant bi lay jox wala bu jant bi lay dugg hmm kanu ñu ci ñu di ci nafi mu am yeneen hadith yuy wax tamit ne manam yuy téré mais téré bobu téré ci bir la ginnaw takusan ba bala jant bi di dug moy juromi waxtu donc ya xamne dañuy téré ku ci jull ginnaw takusan ba bala jant bi déso bu jant bi déso moment bi mi so mais lool na fi lañ wax ha ku jullé wul farata da ngay fay dang koy julli fofu ak ban ginnaw fajar ginnaw fajar ba bala jant bi de jog ak bu jant bi joge moment bi mi jog hein en fait ginnaw buñu noddé fajar buñu noddé fajar nafile yépp dañ leen di téré ba mu dess ñaari rakay fajar buñu noddé fajar buñuy julli moment bobu tamit manam buñu jullé suba ba paré après do mana nafile wat tamit ba ba jant bi di juk moment bi jant bi di juk tamit dafa téré dañ ci téré ku ci nafile légui amna tamit benen moy zawalu shamsi bu jant bi nekké ci digg ndjolor moment bobu bu précis bobu environ 2-3 minutes la fofu tamit dañ ni téré nafile ci moment bobu précisément le zénith voilà ah mu dess benen mu dess yeneen moment yo xamantene tamit dañuy téré ku ci nafile moy bu imam bi lay khutba ndax imam bi khutbu duggu ci manam bu taxawé rek bu duggu sé rek day tax manam julli do ko ma defal eko bu tambalé khutba wax day dal di haram manam wax a part nga pose ko question mom légui taru figure yoy ni mu posé wo lolou nak mais ñu gis yeneen hadith yu wax né comme lu démé né tahiyatul masjid ak lu démé né ké japp comme bu ba japp ba paré ñaar rakka yoy moy julli ak yi nga xamantene mom moy su par exemple suma tawafé kaaba bu paré ñaar rakka yi moy julli yoy nga xamantene ay sunna lañ yu sax né yeneen ci bi sallalahu alayhi wasallam daf ko diglé légi lolu mom mo indi borom xam xam bi tamit rahmatullah alayhi wouté ci nan lañu dajalé texte yoy moy jamo bi lolu mom mo indi ñu wouté ñun ñep d'accord nañ ci texte yi ñu nekk mais fi ñu wouté moy nan lañ leen di dajalé cadre figure bu ñëkk bi mom moy bu ma dugg sé ci jakka heure tisbar wala non heure yi ñu wax comme par exemple après tisbar après tak sam dama dugg ci tak li par exemple est ce que damay def tahiyatul masjid wala duma ko def fuqaha hanafiyya ak fuqaha maliki rahmatullah dañ ni dede daf haram dañ koy ter moment bobu dañ ko ter shafi'iyya ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañ ni bien sûr def ko ñu la lutax mu ne ndax yentib sallam daf ni ku dugg ci jak ci yeen iza dakhala ahadukum almasjid fala yajlisanna hatta yarka rak'atay ku duggu ci jakk ci yeen bu mu tok lulul ni julli ñaar rak'a lol ñaar rak'a yi lu tuddi tahiyatul masjid ah sayyidna bilal moy hadith bu nek ci mustadrak al-hakim rahmatullah alayhi mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ma layla gudd bi man bima rañane daf ma laaj lan la def lu précis lu waral ma deg sey ma sey tank sa dal yi ni mi defé tap tap tap tap charax yi ci kanamu ci sama kanam bir aljana mu ne gisuko mi dal gis na ne sa yu may amul benn waxtu muy gudd muy becc gis nga wax ji ni mu général amul benn waxtu muy gudd muy becc lulul suma dugusé lulul suma amé sama ndiap su toyé rek damay japp wat té buma japp waté damay julli ñaar rakka donc ñom ñu né kon muy guddi muy bëcëk ak heure bu mëna doon kon heure yoy ci la dugal lool mo motax fuqaha yoy rahmatullah alayhi ñu japp né quelle que soit la situation loolu lañuy notal ci kaw téré gi amna mais circonstances yi ay cas particulier c'est-à-dire que exception lañ ci règle alors fuqaha maliki khalafi rahmatullah ñom dañu xolé mbir mi ci benen domaine dañu né nañu set ñaari affaire yu ñuy notale li exemple bu pertinent la ci masakul jam waqat je ci jam do di dajale hadith wala dajale texte ak di la notale exemple bu patent la légui ñom dañu né man damay xol deug la tan yeen hadith yi ngeen wax yeb deug la vraiment nangu nañ ko mais téré bien entendu bi sallalahu alayhi wasallam téré kuy julli ci heure bobu amna un hadith bu dox ni wa an naqbu rafiha mawtana ak tamit ñu ci sul ñu ci rox suñuy suñuy niw dañ ko ci téré tamit mune kon lolou mom mo waral hein manam moy bu jant bi de du bu jant bi de jeul particulièrement pas après lola lolou ñu la ñu lolou mom motax ñu la finalement mi ñi def moy comme que dañ ñuko téré graw lay ñun buñu jappo doot ñuko def buñu jullé tam buñu duggé ci ñaar rak buñu jullé ñaar rak fofu dañ ko dañ ko la comme dañ ko téré fofu graw suñu texte mom mo particulariser manam li exception la manam fofu kenn ku ci nek da nan manam xam nga ñaari kenn ku ci nek da nan ñun suñu hadith yi ñu sukkandiko balé dañ koy def mom mo particulariser sen hadith yi ñeen sukkandiko kenen ki ne manam ñi seen me dede suñu hadith ñu ñu sukkandiko en fait dafa particulariser sen hadith yi ñeen sukkandiko ce qui fait que fofu en fait kenn ku ci nek da nga japp ne ki dafa japp ne hadith yi wax ne sa yo japp ko pare wala nga dugg ci jakka wala nga def tawaf fa na nga julli ñaar rakka mom mo particulariser moy exception yi dugg ci téré giñ ko téré ci waxtu yoy kene ki ne dedet ñeneen ñi ne dedet téré giñ ko téré ci waxtu yoy ñom ñoy exception ci mais sa yu ba jappo wala mu dugg jakka wala dama wara def ñaar rakka seen ngox donc kenn ku ci nek dañe lool lañuy wax umumun wa khususun nisbi moy généralité particularité hein mais nisbi moy relatif voilà généralité et particularité relatif en fait parce que ki manam ku nek ci angle bi ngay xolé texte rek da ngay né bi moy généralité lé moy particularité maintenant mais li fuqa hanafi ak maliki wa rahmatullah ci buntu bob buñu xolé deug deug dañu gis né mo gëna deug lutax inshallah lutax ndax bu ñëk bi dañu né li dañ ko téré luñu téré ak luñu diggelé ñom ñaar suñu dajé ba lañu notal parce que loolu fo ñu mëñ ko xam tay par exemple buma alcorane né nangam def ko alcorane wëlumati ko né téré mako ci yenn circonstances yoy suñu dajé lan lay notal liñ téré ndax yenté moko wax sallallahu alayhi wasallam wala moy hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu mune ñaar sahih do mom bukhari ak mom sahih ta mune iza amartukum an shay'in fa'alu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum an shay'in fatrukuhu suma len digele dara def len ci li ngeen man suma len ko téré balel ce qui veut dire que ni suñu téré mom da ngay bac c'est catégorique amul man na wala manuma dafa haram mom da ngay bayyi amul man na wala sama humeur yi joxumako wala yoy amul voilà alors que su fekente ni luñu diglé nak koku da ngay def mais selon ses possibilités donc ce qui veut dire que ni kon diglé bi mo upp flexibilité que téré bi benen bi ci dess mom moy benen bir buñu permettre ñu mën ko notal moy nek lool tamit benen bir la buy tax may notal moy hadith yeb gis nañ len mais sahaba yi radiyallahu anhu mais surtout khulafa ar-rashidun yi lan lañ ci do tax voilà ñoo fekk nañ jamono yeenati bi sallallahu alayhi wasallam fekk nañ wax yi mais ban lañ do appliquer lool moy wané ni bobu mo note ñu gis na sayyidna umar radiyallahu anhu comme ni mu nekk ci mota imam malik rahmatullahi alayhi dafa stawat kaba gi ginnaw julli suba mais yakam ci won wara delu medina mais dafa dem ba ci yoon bi xaar ba jant bi jog mu do gi ñaar rakkay ni dama ko xaye ñaar rakkay tawaf manam nga gis ne kon mom loolu la mettre en application kon ci buntu mom loolu gëna deugal mais masala bobu wuté na ak masala yi aljuma ci lutax parce que masala yi aljuma bi dafa nek ci maskal ka pratique moy hadith ibn abbas radiyallahu anhuma mi ci sahih imam bukhari rahimahullah yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa am wajju ñew mi ci dal sahih yepp ak dal sahih lepp na yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa am wajju ñew julli manam ñew tok yeralti bi sallallahu alayhi wasallam di khutba mu tok mune yeralti bi sallallahu alayhi wasallam muneko yeralti bi sallallahu alayhi wasallam neko yow est ce que julli nga ñaar rakka mune dede mune ko jugal julli kep ku duggati ci yeen ci jakkaji moy hadith biñu wax legi sank ku duggati ci jakk ci yeen bu mu tok luddul le julli ñaar rakka ah bimu waxe lolu ki ko lolu han bimu waxe lolu ci lako ci lako yentibi sallallahu alayhi wasallam wa mam ci lako digal ne ne ko kon na wala lato dina ba wa le kon wa donc mu digal ko ne ko jugal julli ba pare digal ko ñi ci dess ah mais lolu hanafi ak maliki rahmatullah duñ ci d'accord ñom dañu ne surtout maliki dañ ne non non amna ben riwaya bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahmalahu bo xamantene dafa préciser ne waji ap pauvre lo manam dafa ñak borom yere woyef lo won et que yentou sahasam dafa bëggoon ñu sar lo tax mu ne ñu jox lool lolu dañuy wax tankihul manaq non lañ wax tankihul manaq ci usul moy lan en fait tay masala ñu gis ñu ci bari ay masala usul ñoy rek la problème tankihul manaq moy lan tankihul manaq moy yentim salama wax dara wala alquran wax dara ma xol circonstance ana lan mo wara tax acte bi teug lolou moy tanke fo manam manam ci bir raison yi ñu ma citel yep lan moy raison bi dominante bi tax yeen bi salatan wax nangam comme kaw bi waadi bon mu kaw ko en fait medina la def dafa jotté won ak soxnam ci beccugu wéru koor daw ci ne yeen bi alquna ma ngi ni alquna yaquna sama affaire yaquna ba faw munako det buul wax lolou kay nangam mu lat ko munako me man dama joté sama soxna ci beccugu wéru koor munako ha munako wa munako lolou luy pexé bi munako dangay fay dangay gorel jam la ko diko wax munako me man awuma jam mais et cetera bon bo procédure bi jeex après né nañ xol ci bir wax joju manam après ñaari wéer ñu tégalo mu ne ko manuma no wala da nga juroom ben miskine mu ne manuma ko ñaari wéer yu tégalo kon mu ne manuko parce que mom dayal ragal koor manam ñaka manam muñ ci koor gi sax mo tax mu tombé ci limu tombé ni donc ñu saraxelo ko juroom ben mu ne dama pauvre awuma man awuma dara ñu indi sarax mu ne kon yentir sansam tagal ma ni ben genre bolu tandarma mu ne jam jeelal li nga saraxé ko mu ne medina daj digeunte ñaari montagne gisuma fi kenn kuma gëna pauvre kuma koy ma sarax mu ne ko kon jeel ko nga dem yent bi re da di re sallallahu alayhi wasallam mais legi ko lan motax yent bi sallallahu alayhi wasallam ne naka far est ce que c'est parce que nit la ku deuk medina ñu né dañuy éliminer probabilité bob parce que lutax parce que ñi dëkk Medina bari nañ té yeen ci sa sa waxu leen nañu gorël jam ci bëcc gu koor gi après du dëg ñu né wa et benen information bi ñu jox mom moy wa joju dafa am soxna est-ce que lool mom motax ñu né dédé parce que bu doon lool la kon ñi am soxna yëpp ñokoy def ñu né est-ce que kon li nga xamantene mom moy limu joté soxnam la ñu né dédé du lool motax parce que bu doon lool la kon képp bu joté sa soxna rek lool la ngay digël mais est-ce que lim ko def ci wéru koor bi la ci jëmbi bopam ñu né dédé parce que goudi wéru koor dagan na kon lañu xam mom moy lu tuti mu def ko ci becc gu wéru koor gi lool moy information capital bi manam lool moy raison moy li tax deug ñu té rek ñu digël ko lool moy tanki xol manat manam moy damay xol ci biir taxi lan mom moy cause principal bi tax lan até bi ñu tek légui nak ay wa ñu délu ci suñu masala yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu waxé wajina jog na maliki rahmatullah ñom dañ japp né tanki xol manat moy né manam moy la dañu ségg wax di né li waralon mbir mi moy waji koobul la motax ñoy ko na jog mais dañu gis né wax jodu deugur lutax nak li yenenbi sallalahu alayhi wasallam tek ci ginnaw né kepp ku dugg ci jacc manam le fait que mu généraliser wax ci ginnaw wax ni généralisation bob moy wone ni kon bo duggé ci jakk ci période bobu voilà bo duggé ci jakk kon ci période bobu non nga wara def donc lool mom mo koy wone et que fi dafa am nas motax c'est à dire que sous don raisonnement bi par usul règle li ñuy notal mom moy né moy li xalaf yi maliki wax rahmatullah ci buntu bob mais comme mbir mi du usulu kexé bon usul la mais texte yi d'abord avant de ñew ci raisonnement méthodologique bi texte yi d'abord parce que lutax parce que mbir mi da dul téggu ci xelum kexé motax bu do day téggu ci xelum kexé kon dañuy wax né li xanafi maliki wax rahmatullah mo gëna dëgg mais nak dañuy gis né ñom tamit ci côté bobu ça s'explique parce que tout simplement Shafi'i Hanabila xam ñoo gëna bëri ay taxi ñu yor par rapport ak ci masala yu bari ci buntu yoy voilà voilà wallahu ta'ala ala ah lolu borom xam xam itam rahmatullah alayhim li tax ñuy wax ci ñu wuté ci masala bobu masala jangul alquran bi du ne jang alquran bi ci dem bopam lay téré mais sujud bi manam tay bu may jang alquran parce que en fait lolu day delu wacc nan lañu définir djulli lan moy djulli voilà bu ñu xolé fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dafa bok ci ni définir djulli moy dañ ci bolé wala ben parti ci lolu aw juz'un minha moy la moy dañ ni ay af'al wa aqwal mahsusa ma halatin mahsusa mubtada'atun bil takdir wa mukhtasamatun bil taslim aw juz'un minha baatu aw juz'un minha wala ben parti moy lan moy julli mom moy ay wax ak ay jëf yu particulier yo xamne dañ koy def ci ay circonstances yu particulier bo xamantene amna sax bo ci sen ci yeneene definition yi ñuy wax ne dafa composé wu ci kabar ruko ci ay taxaw ay ruko ay sujud et cetera ak ay wa mune wala ben parti ci ñoo lool mais ben parti ci lool nak mom moy sujud bi comme par exemple sujud est ce que sujud ci ruko ci julli la bok wala jëf tok bi ci julli la bok wala bok lool mom motax parfois da ngay gis ñu lay wax ne la bu fekkentene na fi la guddi manoo ci dara do ci def dara yow au moins benn moment na nga tok jakarlo kaaba gi bok yene ni mo def na ko sama na fi la guddi parce que manam dama tayel ba wala ma son de telle sorte que surtout souvent tayel la sans masque wala ñu yalla sam ah moy dama tayel la ba nga xamé tane buñ néma fukki rakka ak benn manuma kon defal ñaar rakka manuma kon mais au moins au moins togal nga jakar lo ka ba ni lutax c'est parce que dañ considérer aussi que ni lolu même parti bobu rek xétu julli la en fait lolu motax ni gis julli bi ni wax julli new par exemple taxaw kessa la etc donc lolu mom motax nga gis fuqaha maliki rahmatullah alayh ñuy téré kuy jang alcorane ci moment yoyu nonu suñu da nga wara sutu parce que ñoom dañ japp ni su joot bi mom ci jëmmé bopam day daari haram tamit ci moment bobu mais téré biñ ko téré du téré haram mais téré ci bël la ci budé da nga wara sutu wala bok soy jang alcorane ci moment bobu bo yexé ci wara sutu nga baña sutu c'est-à-dire que kon ginnaw takusan kuy buñu jang comme souvent buñu wacc kambi buñu yexé ci moment bobu ñu baña sujud tout simplement lool mom mo indi questionnement bobu wallahu ta'ala a'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala mursalin walhamdulillah wala kon xamna jotay bi li ñew tamit inshallah hadith lay doon wala hadith la inshallah wala wa man laqa fala jumaata la kep ko xamantene da nga laal xeri moy buñu imam bi du khutba parce que en fait jumaa nabi sallallahu alayhi wasallam amul won ay basam ay sijaado yi amul ko lolu wa dañ dan tok rek doon ñëw tok wala mais comme dafa won ay xeer tamit muy wax ne ku laal xeri manam ñew di fo xeri ni ku laal xeri faqat la manam la moy distraire nga te ku distraire amulo aljuma manam amulo aljuma nak tek telewul amulo aljuma manam xam nga ñu bari day motax genre hadith yoy ñu bari war dañ ko comprendre dañ ñu bari dañ ko comprendre sens bo xam dañen waxe ko fofu salalahu alayhi wasallam parce que waxul ne le fait que ma djugé ma dem wax ci bir aljuma bi rek moy walane fim tolu aljuma ci bokkum aw bako djoutou manam melni comme si djulli wuma djuma du lolé mais limi tekki moy yolu djuma gu mat dafa wagné ko ci man manam amuma aljuma gu mat lolou lañuy wax lolou tamit day dugg ci benen usul ci usul batay day dugg ci liñu wax haqiqa ak majaz wala ñuy wax haq wala ñuy wax parce que buma né amulo aljuma awma aljuma ala awma aljuma gu mat lay tek amu aljuma gu mat lay tek kon tay buma né xola buma né la ilaha illallah xam nga ilah moy lan moy ku ñuy jamm wala ñu jël benen ku jappul na la dani la salata bi khayr tahur wala salata min khulul hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu nek ci sax imam muslim ak sunan imam tirmidhi rahmatullahi alayhi yanti bi sallallahu alayhi wasallam nak ku dani la am dani julli amul sala julli amul sala niki nonu saraxe amul ci alal ño xamantene ci guerre la julli wala ci niñ ko tibé niñ ko jëlé baax parce que hulul en fait moy hulul moy d'abord moy jihad am jihadi am ma jël alal gaay quoi manam ñu déré bouteul ba paré man ma am luma ci rocc lool moy hulul mais dañ ko généraliser ci lepp lo xamné alal ni mako amé baax sarax amu ci maintenant wax jodu faut ñu comprendre ko ci son vrai sens lool daf ñu permettre ñu comprendre hadith bi may doon wax légui ni moy lan moy saraxé moy jul moy buma jappo buma manam amu awuma la yeen sama mune julli amul sans lap lool lan lay tekki est ce que limi tekki moy possibilité wu ma julli sama am la amul existé wul tekki wul lool parce que tout simplement mën na djok tout simplement té awuma ben lap ma ñew rek tabar julli et que lool julli nako mais limi tekki moy la salata sahiha julli du wir lay tek manam julli bu wir du am lool mo motax dafa am luñu duggal ci bir moy lan lañ ko wax ci tubab sax moy ci sous-entendu voilà dama sous-entendre ni wirul mais du jëmmé julli gi ci bop mo am mais julli gi du wir lay tek voilà hein voilà donc lolu il faut ma am ki bobu ma mana am compréhension bobu voilà niki nonou comme buñ né amul kenn ku ñuy jaamu ku dul yalla ku ne xamna ni gaay yi ñi ngi jaamu ñeneen ñu dul yalla mais limi tek moy amul ku ñuy jaamu ci deug ku dul yalla kepp ku ñu jaamu te jaamu wuñu la manam te du yalla rek ndiamu gi ñu jaamu en fait du deug teggul ci deug teggul ci droit te amul te dula jariñ motax ñu leg leg ngay gis wolof dañu wax na jaamu go xamantene manam jaamu guy jariñ te ñak jaamu di lot ku dul yalla voilà donc lolu mom mo indi ci bobu mo indi aspect bobu maintenant legui nañu delu ci suñu masala bi kon fi julli gi lolou lay tek parce que munu ñoo yamale ki ñewul ci bëtu ci jumaa ji ak ki nga xamne né ñewul na tok na julli na ñom ñaar yamuñu nañu jël benen supposition ci tardé nga xamne mom ñaar rakay jumaa yi rek la fekke yamul ki nga xamne né fekke nako mais da doon wax wala da doon laal xéer yi nañu yamale ci buntu bobu motax ñuma mu mata baye xel lu demé nek portable yi wala kursi tamit ci buntu bobu lay problématique aussi parce que amul dara lo xamantene haqiqatan dina permettre manam man xawmu lu meuna permettre bay yor sama kurs fekk nit ñi fekk imam bi ñu xul ko parce que kurs rawati na ni kurs dafa yor atay xeer lan mo koy wone hadith safiya bi radiyallahu anha soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew dafa xey dama ñew yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ñew na ci kër gi hadith mi ngi sonna imam nasai rahmatullahi alayhi amna tamit benen hadith bu sayyidat aisha radhiyallahu anha bu ndaw soso naka la tuddu ndaw ci moy ki mu fekkon muy bu yor ki xeer yu bari di sikar rek wala ba yaronte bi sallalahu alayhi wasallam nan la yamallahu ma la yamal Allah hatta tamallu kallifu anfusakum min al-a'mal ma tutiquna hadith bobu hadith sayyidat aisha bobu radhiyallahu anha mi ngi ci sax ñaar saxay mom bukhari mom muslim wa sallam yalla tin sallallahu alayhi wasallam lool la ko wax ne ko mais dafa ñew fekk ndaw ci yor xéeram xéer di tout temps muy sikar manam moy atay course di ko kont di sikar ba ben moment mais tout temps yentou sallam daf koy fekk mu tok non di defé légui mu lat sayyidina sallam ki moy kan muniko ci de moy diw fam ummu nan la wax fatena ki muniko yentou sallam ne mah moy genre moy comme expression ya ki len ndankulen hein dal len voilà ndankulen hein kallifu anfusakum min al-a'mal ma tutiqun de len yenn sen bop ci jëf yi lolen atal manam bo guéné faraka yi nafile yi ngay def wala werdi yé yoy ni imposer sa bop ben rythme bo xamné ding ko mëna respecter tout temps yalla du tayi fek tayi wolé ben voilà légui lolu déjà day walé ko djibé benen moy hadith safiya bi radiyallahu anha moy bimu né yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew fekk ma mayor sama ay xéer yo xamantene ci la daan konté sama sikari né la mu dem ba délu ci wat ci digg ba ci gi ñewat fekkat ma mayor kuy mënama pourtant né li ngay do sikar bo beligi man dé amna cadeau yo xamantene ma wax boko waxé ben yoon kessé day daal jënd li nga di sikar yépp wa subhanallahi wa bihamdihi 'adad khalqihi wa zinat 'arshi wa mithla wa rida nafsi wa bidada kalimati dal ni lolou be moko waxe ni rek day dal di tolok manam mo upp doole li nga fi nek bu bele manam kon waxu ko ne ko li nga def baxul waxu ko ne ko le fait que don yor ki di konté ak xéeri baxul mais lim ko wax rek mom moy ne le mo upp doone te buñu xolé kon masala bobu dañ ci jangé ne xéer yi dafa yor at manam kurus dafa yor atay xéeri et que kon kurus nak dafa yor atay xéeri te yent bi sallallahu alayhi wasallam dana man bat sal khasa faqad la kha wa man la kha fala ju atala kep ko la xéeri yaangi distraire te ko distraire amu aljuma manam amu aljuma guma dañ ci dal di comprendre rek ni vaut mieux moy sa dug ko maintenant nak téré wuñu comme li d'ailleurs lu am solo la comme li imam al-qurtubi rahmatullah alayhi wax ci tafsiram bi ñu yexé ci aya bobu di moy ya ayyul ladina amanu idha nuriya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun et cetera hadith aya imam al-qurtubi rahmatullah alayhi bokku na ci aya yu ci hal masala yu ci traité moy masala bobu ci jëmi bopam manam moy bi nga xamantene buma taxawé di buma jullé buma manam buñu bu imam bi dé khutba buma bu imam bi dé khutba est ce amna droit di sikar lo xamantene nit ñi duñ ko dégg té borom xam ko bi rahmatullah effectivement liñ wax mom moy né waw am nga droit sikar ndax nit ñi duñ ko dégg ndax do gêné kenn mais ñu bayi xel bu fekkentene il faut que mu baña nek lu lay distere lu yeungal ak di la la tay di gi mi ngi melni rek comme tay bu may julli yor sama tire di wol beute ko di gi comme niko gaay di def ci koor en fait imam bi bën nako def bu fekkante ne mokkulul alquran bi comme li sayyidat aisha wa radhiyallahu anha ne ñom da am ku leen daan diité ko xamantene da daan jël tire bi et cetera mais kanta ki ñu maamum bi mom amul droit def ko lutax parce que a julli amo droit def ci benn mouvement bu ci bokku mouvement yu bari de yaq julli té le fait que may jël page di wëlbeuti di ki wat di wëlbeuti di ay mouvement yu bari na ci bir julli voilà donc yoy yep ay mbir la yu mata baye xel manam yu nuro ko bi ni non julli jul en fait julli farata ak julli nafila ño bok ay atté ci lepp bamou dess ci mbir yi nga xamantene sharia daf ko préciser que yi bokku ñu ci atté mais par exemple ay mouvement yu bari ci bir julli lolu muy farata muy nafila yeb bokku ñu bamou dess yi nga xamantene yi ko waral ay circonstances la yu gennu julli moy lan comme par exemple may tukki sumay tukki amna droit la mo wagn mais amna droit tamit di nafila par exemple mais tok ci ka war way bi di nafila amna droit bi ci bir julli ci ju julli sumay tukki mais awma droit sumay par exemple amna droit tamit bu may nafila ma tok comme ni yent bi wax sallalahu alayhi wasallam bon ci droit wañu bi bobu hadith sayyidina anas la radiyallahu anhu manam droit wu mo meuna julli ci kaw ki bi han ci kaw war way bi mais budé bi ma nara wax ni moy le fait que ma julli tok ni yent bi sallalahu alayhi wasallam ne droit wu manam ne damay am genn walu julli ki taxaw lolou moy nafila xam nga tay bu may nafila guddi gi ni wala gudul guddi sax may nafila buma nexé duma juk taxaw ha damay tok rek kabar allah akbar ko bussi sakara mais damay am genn walu fayu ki nga xamantene dafa taxaw julli mo gën nem voilà mais lolu permettre biñ mako permettre ci nafi la beaucoup ak permettre biñ may permettre par exemple may wax par exemple xam nga tay bu may julli sumay wax leneen lu bokk te julli gi bon ba ñu wax ni do bu wax tam Allah Allah Allah deng bu may julli par exemple buma toge di julli ha buma toge di julli bokul ak tay bu may wax ci bir julli wax yo xamne bokku par exemple munu may julli ba para nan day ku ñore mo wax say la nga def bi da la gis depuis debu da ci dango mu ne c'est pas parce que damay nafi la que ni amna droit bob ni ki non c'est pas parce que damay nafi la que ni amna droit di def ay mouvement hein non umu mom da yaq julli ak wir ak wird allah si ak wird allah non non non non yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne at tasbihu lil rijal wa tasbihu lin nisa sabal gor ni la mais ni wala yu mel non lolou pour jigen ni la lolou meun na ne lolou du yak julli gi lol yakul julli mais uhum wala retal wax la motax le fait que mu nek wax le fait que mu nek wax la te aw mo droit wax bu muy julli aw mo droit wax su may wer ba mu def li nu ma permettre ma man ko wax ci bir wer mais pas ci julli voilà alors que meun na sabal par exemple bu muy julli Allahu akbar ñuy julli ma kabbat lool manam ben way bi ñew par exemple feug wala ñu mel non mo wax subhanallah mu xamne damay julli mais fo nga def ko ak ko xam langage mom ku xamul langage bobu rek boy kabbar da ngay wax allahu akbar ci kaw wala boy sami allah lumun hamid nga wax ko ci kaw wala ñu mel non mu comprendre na la ngay julli mais ku xamul langage bobu nga subhanallah mu ngi ko wax te meri at bu xam nga wax yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lam صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على المرسلين محمد borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuté ci masala bobu fuqaha hanafiyyi yi rahmatullah alayhim ñom dañu né wañu julli bi bu mako deful en fait sama julli lu bax fuqa hanafiyye rahmatullah fuqa yeneen yi ci dess moy manga moy maliki shafi ak hanabilay rahmatullah ñom dañ japp ne dafa gën c'est à dire que droit la luñ la may la mais dafa gën aussi dafa gën mais amul kenn ku wax ne wañi bi ak ñaka wañi bi no nuru amul wañi bi ak ñaka wañi bi fenn rek lañ bokké moy wër nañ ba mu def ci fuqa hanafiyye rahmatullah alayhi ne tektali hadisi day wonane ah day wonane parce que ñom fa lañ tektalo lu important la dañ ni sayyidat aisha mo wax radhiyallahu anha amna ndeysan kuma ko doon wax sama bedd serigne de ñi waxtan bo kamer lañ nekkon ñi waxtan maniko mais pourtant mo mu ne xam nga luñu folle sax luñu hadisi ñu folle yoy bu ci remettre en cause maniko si amna xolal hadith bi nek sahih ni ngi ci sahih xolal sahih imam bukhari boko demé di ko gis sayyidat aisha ne radiyallahu anha ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ne julli yi ni ñaar ñaar lawul mais après dafa évoluer ñu def ko ñent pour nit moy muqimi moy muqim moy ci nek ci dëkk bi ba paré bayiko ci ñaar pour ci voyage ci tukki mune way bayine ni ngeen di wax xam ngeen ni lolou xolal mo man ko me hadis yi lo ni sa bukhari mo de ne kitab salat mo de pro di hadis yi ndiki la bok woko wax o yo ki no musafir voilà hein voilà mune bon mais bon ala kulli hal lolou non la def maintenant la effectivement waxu sayyidat aisha bo randela borom mo xam ni seul bop sax rahmatullah alayhi dañuy daf len jaxal en fait nan la wax joju nekké quoi daf leena jaxal au moment où hadithu ndax amna yenen hadithu yi wax manam bi isra ñewé isra wal mi'raj bi ci ëlëk ci yenen sa sa ñu doon dulé di wax na ñent raka kam la julli tisba ak yu mel non yoy yep dafa tax hadith yoy ay xëccu am ci biir borom xam rahmatullah lool lañu mais limuy jariñ fi mom moy li xalafiyyi wax rahmatullah ñom dañ ne lolu day tekkale ne kon dafa war wañ julli bi fofu dafa war parce que damay tukki kon matal bi amatu ma droit def ko parce que lan sayyidat aisha radhiyallahu anha mo ne li da sharia deul ci dund bi yalla sallallahu alayhi wasallam li wax te sayyidat aisha radhiyallahu anha ci ni gënon tax ko yent bi la bok sallallahu alayhi wasallam mo gënon tax ko mom sax lañ wax voilà bo faré ni gënon tax ko ni gënon mo ndu tax ko mom parce que voilà donc mom bu ko waxé wé non c'est parce que effectivement bi non la dem. Bon, ala kulli halin mais li gëna deugë inshallah moy né droit manam moy droit la buñ la may mën nga ko baña mat mën nga ko baña def té lool moy mazhab bi mu rahmatullah alayhi wallahu ta'ala ta'ala que c'est un droit et que c'est oui. Oui, nous, en fait, ils disent que sous fait qu'intérêt, parce que comme c'est de la chaleur de la d'accord avec nous, ce qui veut dire que li nous imposer pour qui pour qui moi nous respecter pour le voyageur de et pour qui tout qui et que pour qui a le moins le sédentaire, le résident, 4. Voilà. Vu que c'est dans Aïcha Radhiyallahu anha non la waxé né djulli avant ñaar lool mais après dañu imposer mbir pour ñi tukki ñu wañi def ñaar ñi ci ñu def ko ñent wala ñi ci ñu wala ñi résider ñu nekk ci kër bi ci dëkk bi ñu def ñent wallahu ta'ala a'lam. Amna différence. Amna différence ci da jëf khulafa ar-rasul ak amalu ahlul madina. Amalu ahlul madina ak moy amalu ahlul madina moy wa madina fu munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam. Dafa am nuñu tam li def. Am lo xamantene mom sank patay am won ko. Wala. Deng sank batay ñepp ngi suuf dafa am ku wala ñu ñew rek alo donc amal ahlul madina liko wutale ak jëf khulafa rasul moy amal ahlul madina moy wa madinatul munawwara la concerne ala sakin ya afdalus salatu wassalam moy wa madinatul munawwara dafa am ñu dox rek de génération en génération. En fait, Abou Ahlul Madina, ce qu'il y a eu, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu Maliké, qui a eu Rahmatullah, Maliké, qui a eu le nom. Beaucoup de comme nous, nous sommes venus, nous sommes venus à Maliké, nous sommes venus à la règle, nous sommes venus à Maliké, nous sommes venus à Maliké, nous sommes venus à Maliké, nous sommes venus à Maliké, nous sommes venus à Maliké, nous sommes venus à ñom non lañ ko jappé moy lan moy motax li imam malik rahmatullah alayhi waxon imam lays ibn sa'd rahmatullah bimu koy bind lettre be ci diko wax ne ko effectivement fekk imam lays rahmatullah dako bind ben lettre diko wax ne ko amul ahlul madina bi nga bëgg japp def ko prédal mom manam moy wa madina luñ doon yag ni ñu doxale lolu mënul nek règle parce que sahaba yi radiyallahu anhu ñi tuk ñi dafa bëri ci ñom. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les gens qui ont été venus sont venus dans les pays. Les sahabes sont venus dans les pays. Ils sont venus dans le Cham, dans l'Irak, dans le Misra. Ils sont venus dans les pays. Ils sont venus dans les sahabes. Donc, ils sont venus dans les pays. Ils sont venus dans les pays. Ils sont venus dans les sahabes. Ils sont venus dans les pays. Ils sont venus dans surtout ñu jëk ñi nga xamne ñoom ñoo ñu jëk ci ñu ñu gëna yag ak yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu ci bari dañu jël non donc mënu do jël wax bobu manam ne wa marina rek ñu wax rek ak lu ñu def rek loolu rek manam loolu nga jël ko tek ko def ko priorité ci kaw yeneen wax loolu mënta ne mais lim ko tontu moy daf ni ko amna doole parce que amul ahlul madina lu tax mu am doole moy ci buntu khabar mutawatir la ci buntu khabar mutawatir la moy lan moy wax la jo xamne dafa siw torp si way bo xamne ne c'est impossible ñi ñep bokkono wax luddul deug wala bok ñu bokkono joom ci niñu waxe netale mbir wala bok ñu deppo ci netale ko wala bok kenn ku ci nek ci ñom beru netale la même chose wala def la même chose fek affaire bi amul tosan surtout que medina ba jamono bi imam malik di dund rahmatullah alayhi medina bid'a amu fa bid'a duggu na ci dekk yeb bam dess medina ci moment bob moy début siècle bi ci dess ma début deuxième siècle moy les années 100 ginnaw gada yannabi sallalahu alayhi wasallam parce que imam malik mi gade aduna 94 ginnaw gada yannabi sallalahu alayhi wasallam ci la imam malik ñew ci la gane aduna voilà ba période bobu bida amul won fenen amul won bir medina donc lolu moko joxone ben geud quand même bo xamantene statut spécial la quand même non lañ koy statut spécial voilà bo xamantene mom la medina amone ci période bobu ala sakina sallahu alayhi wa sallam te yenen dekk yi amul et que aussi le fait que medina fa la ciossano manam fa la diine ci ciossano manam fa la yenen sallahu alayhi wa sallam mujjé nek même bu fekkante ne yenen sahaba yi effectivement beur nañu dem mais beur na tamit ñu dess medina ala sakna fa et que xabar bi li tax mu important moy medina ki da nan dañ nan li lañ dan def jamono yent bi sala salam sa papa ni la ko dan defé te non la ko netalé né sama ñom maam né nañ li lañ doon def jamono yent bi sala salam li ce qui dégg lool maam day yor xam nga wa medina yeb buñ bokkono def ben affaire buñ bokkono di def ben affaire quand même day am poids hein voilà comme li ki comme biñuy wax ci affaire sa'i ak ki abu yusuf aw al imam abu yusuf rahmatullah alayh bi nga xamantene mom ki dafa ñew xolal gis na bu sayyidina umar la indi radiyallahu anhu sa moy sa naxway la dal moy ñent mu duni legi nan la tollu ñu wuté ci ñom ñaar ki indi be imam malik rahmatullah ne ko sa ni la li moy sa munako dede d'accord mudadi num wax daf ni imam malik rahmatullah dani yow joglen ngeen dem indi saam kenn ku ci nek dal di indi dal ni gis nga mun pot bi sama papa neena sama mam jamono yenente bi sa sal bi la doon jefandiko keneen ki ñoom ñep ñu wax la même chose ñep nek même bi mune gis nga li la do wax man do ce qui fait que amul al madina poa bobu la am wa jif wa medina poa bobu la am voilà par exemple c'est impossible ñom ñep ñu defalo ben affaire manam ci buntu bobu lañ ko jël lool motax mu ne lay ibn sa'd rahmatullah man lima gënal moy mëni jooni déggé na ci jooni wala gis na jooni ñu jëlé ci jooni ñu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ma gënal ngani ma kenn jëlé na ci kenn mu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà donc fofu le poids medina amé doole ci surtout ci malike effectivement ay munaqasha c'est-à-dire ay xétu débat amna ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci amalu ahlul medina def nako jëfëndiko amna doole amul doole et cetera mais lool du suñu ki mais l'essentiel mom moy lool la alors que nak jëfu khulafa rashidune benen affaire la voilà parce que par exemple benn mbir da ngay gis khalifa bi jappé ko ni benn khalifa jappé ko nena comme lu démé nek shafa'i witr dañ koy julli avant muy teud wala li gën mom moy ma bayyi ba yew bala fajar bi ma julli par exemple da ngay gis ni khulafa yu ñom bokku ñu niñ daan doxale ci lool radi Allah anhu wala loolu wuté na wala mais le fait que khalifa khulafa rashiduna ñu xam ci abiyu kenn ci benn bir mu wuté ak avis manam ci question comme cas pratique bi ñu waxon sank fofu par exemple lool dinañ ci mëna jariñ mais amna yeneen cas yo xamne masala bobu duñ ci mëna jariñ masala khulafa yi duñ ci mëna jariñ mais manam masala khulafa rashiduna daf ñu permettre ñuy mëna notal benn affaire à un moment donné lolo tax affaire tamit dafa xoot dafa laaj lan rusukh dama dafa laaj nga nour ci hein voilà pénétration nga imprégné voilà nga imprégné wu ci affaire bi quoi voilà ba yag ko xam ba yag xam subtilité voilà ça le que selon cas de figure ngay xam subtilité mbir pour nga meuna comprendre voilà nan la affaire bobu dem wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci.